Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturale. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Je suis Caleb au micro pour vous accompagner pendant ces deux heures. Ces sorties culturelles spéciales Festival d'été de Québec. On reçoit les artistes de la programmation du festival. Ça y est, on a dépassé notre semaine. On est dans le jour 9 et on est là plus vivant que jamais. C'est la dernière ligne droite. Et comme à l'habitude dans cette émission, on reçoit beaucoup d'artistes. On aura Papa Groove, les hôtesses d'Hilaire, Maestronaute, Julian Taylor Band qui a déjà joué hier soir et qui rejouera ce soir aussi, Galaxy, Naomi Turcotte, toute jeune artiste qui jouera à la place de la famille demain, et nos chroniqueurs bien sûr qui reviendront sur les spectacles d'hier soir et qui vous suggéreront des spectacles pour ce soir aussi. Mais pour commencer l'émission, on avait très envie de parler avec Jacques Boivin pour faire un petit point de fin de festival, ou presque. Bonjour Jacques. Salut. Ça va, tu survis? Je survis, là, t'sais, on est au jour 9. Moi, tu sais que j'ai commencé une journée avant tout le monde, fait que je suis au jour 10. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Avec le off. Avec le off, oui. Festival off de Québec. Donc, qui démarre toujours un petit peu avant, effectivement. Mais il reste encore de l'énergie, puis la dernière fin de semaine, mais on est sur l'adrénaline jusqu'à dimanche soir, ouais. Puis ça va bien aller. Mais oui, certainement. Jacques Boivin, que vous pouvez lire, voir ses photos aussi sur le site écoutedon.ca qu'il a fondé avec toute son équipe de collaborateurs qui travaillent très très fort pour mettre ça en temps et lieu en ligne. On est une demi-douzaine à parcourir les scènes, là, un peu quand partout. Quand même. Alors, j'avais envie de t'inviter aussi pour parler de... Allez, deux, trois groupes que tu connais très, très bien et qui joueront ce soir, qui malheureusement ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui parce que, vous savez, on jongle avec les tests de son des artistes qui peuvent tomber en même temps que l'émission. Il faut qu'ils mangent aussi à un moment donné. Et c'est manger. Le cas. Oui, ça se peut. C'est à n'importe quelle heure, par contre. Mais par exemple, les Deluxe qu'on retrouvera ce soir à 23h30 à l'Impérial Bell, un duo complètement sulfureux, Jacques. Un duo complètement, oui, sulfureux, un duo qui est plein d'énergie, un rock un peu garage sur les bars, mais tu sais, avec un son très rétro. On est vraiment dans des sonorités des années 60, fin 60, 70, du gros rock'n'roll, plein d'énergie. Ils sont deux, Anna France Meyer, Étienne Barry. Pourtant, on a l'impression qu'il y a un groupe au complet devant nous. On est évidemment Anna France, la chanteuse, a une voix magnifique. C'est une voix là, vraiment de, on pourrait dire quasiment de, d'une bachelière en chant. Ce qu'elle est. Mais oui, en plus, c'est pas ça par hasard. Donc non, c'est pas par hasard. Écoute, ce sont des multi-instrumentistes, ils s'amusent beaucoup sur scène. Étienne joue de la guitare, chante et de la batterie en même temps. Anna France qui s'amuse avec la guitare baryton, on la voit, il y a de l'énergie. On est vraiment concentré sur ces deux-là. Ils n'ont pas besoin d'occuper la scène complète, ils n'ont pas besoin de bouger énormément. Ils ont un magnétisme écœurant. Puis on embarque dans leur trip, c'est vraiment le fun. Couple à la ville comme à la scène. Je le dis parce que ça se ressent sur scène. Il y a une énergie. Oui. Je trouve qu'on incarne un peu ces couples des années 60-70 mythiques. Il y a une petite tension, là, ouais. Une petite tension de couple, pour ne pas dire sexuelle, entre les deux. Oui, là. Oui, tu peux le dire. Bon, on peut le c'est dire le mot. 23h30 à l'Impérial Bell, on peut en parler. Bon, oui, mais de toute façon, ils partagent le lit. Donc, depuis, on a vu ça passer cette semaine, mais depuis maintenant 7 ans, là, c'est plus un jeune couple. Mm-hmm. Donc, en plus de ça, il y a une très belle complicité entre les deux, puis il y a une très belle complicité avec leur public. Donc, moi, je vous dirais, si vous avez apprécié votre soirée, vous êtes allé voir Galaxy, vous êtes allé voir Lord, vous êtes allé à la place du Ville ce soir, 23h30, vous voulez finir votre soirée de belle façon. Que vous soyez vraiment rocker dans l'âme, que vous ayez envie de défouler, ou que vous soyez plus tranquille un peu, que vous avez juste envie d'apprécier un bon show. Allez faire un tour à l'Impérial ce soir pour une belle fin de soirée. Oui, ça promet effectivement. Puis moi aussi, ce que j'aime beaucoup suivre sur Instagram, notamment avec Anna Frances Meyer, c'est ses costumes de scène qui sont toujours très recherchés. Là, il y a vraiment un hommage aux années 70 avec les pantalons pattes d'éléphant, toujours des paillettes, des couleurs très très vives aussi. Extrêmement glamour. Là, on voit, là, c'est recherché, travaille très fort là-dessus. Écoute, c'est un look, c'est leur marque de commerce aussi. Là, je veux dire, l'apparence est très importante, ce qu'ils dégagent, puis ils font vraiment attention à ça, mais c'est toujours très beau. C'est étincelant, ça brille, il y a de la paillette, puis tout, mais c'est pas grave, c'est beau. Et c'est pas au détriment de la musique, hein, non. Parce que vous soyez réveillé ou non ce soir, allez-y, vous n'en sortirez pas indifférent. Tu le sais, j'ai beau parler du look, je peux pas en parler autant que je peux parler de la musique. Là. C'est vraiment pour la musique que je vais y aller, pour le fun, pour le plaisir de me faire rentrer du rock and roll dans la face. Là, ça va faire du bien. Les Deluxe, 23h30 à l'Impérial Bell, donc. Mais avant ça, ils seront déjà ce couple sera déjà dans un autre groupe. Puis on n'est pas étonné quand on apprend qu'il s'appelle Étienne Barry et qu'il fait partie du Barry Paquin Roberge. Cette fois, ils sont 6 sur scène et ils joueront à la scène Hydro-Québec, place du Ville, 18h ce soir. Oui, ça, c'est vraiment un rendez-vous. Là, vous n'avez vraiment aucune excuse, que vous ayez un laissez-passer ou non. Place Diouville, c'est gratuit. Vous avez vraiment, si vous êtes en train de s'incasseter dans le coin, vous êtes au sacrilège, vous cherchez quelque chose à faire à 18h, à part boire une bière, quand Diouville n'est pas loin. Là, on parle d'un groupe ici qui fait une pop un peu psychédélique sur les bords, très qui une touche de disco. Là, vraiment, là, on retrouve un petit côté Bee Gees. Je les ai même déjà entendus reprendre les Bee Gees. Ils ont les trois gars, Étienne Barry. Là, évidemment, moi, je les connais toujours par leur nom de famille, pas par leur prénom. Mais Étienne Barry, Sébastien Paquin et Alexis Roberge, les trois gars ont des voix magnifiques. Ils chantent en falsetto, ils chantent plus grave aussi, ils chantent n'importe comment. C'est toujours beau. C'est de la musique qui est joyeuse, qui est lumineuse. On a envie de mettre ça dans le piton, dans le char, en roulant. Puis même, on a envie... C'est de la musique qui donne un goût de bouger. C'est dans ma playlist de courses, bien souvent. C'est des trucs le fun. C'est pas... Puis il y a quand même un petit côté un peu atmosphérique. Il y a vraiment de l'ambiance dans leurs chansons. Il y a de la couleur, il y a de la texture. C'est le fun, ça a été travaillé. On parle encore de gens ici qui sont des étudiants de l'art de la musique ici. Puis ça paraît, ce sont des amoureux. Puis ils nous donnent un méchant bon show. Ils ont toute une belle présence scénique. Ça va être le fun. Et le premier album s'appelle Voyage Massage. Oui. Ça donne une idée de l'esthétique aussi, du style. Hein? Oui, ça donne une idée du style. Ce qui est le plus drôle, c'est que tu sais, le premier EP des Deluxe s'appelait Traitement Deluxe. Donc là, on a un Traitement Deluxe et un Voyage Massage ce soir. Des projets totalement concept. Oui, mais on va sortir tellement bien de là ce soir. T'sais. Et Jacques, on n'est pas étonné de les voir programmer deux fois dans la même soirée pour le couple meilleur Barry. Ils sont capables de faire deux spectacles dans une même soirée, comme ça, avec la même énergie. Avec la même énergie. Écoute, ils vont avoir eu le temps de se reposer. Puis même encore, je suis prêt à gager, je vais les voir probablement soit à Place du Ville ou au Parc La Francophonie toute la soirée à triper après leur test de son, bien sûr. Là. Je suis sûr qu'ils vont être là. Ils vont en dépenser de l'énergie parce que quand ils en dépensent, ils en gagnent. Là. C'est comme un moteur roue un peu. Là, qui emmagasine de l'énergie pendant qu'ils roulent. Donc, ça va être fantastique. Et si le public en donne encore plus, j'imagine la surenchère aussi. Alors, j'ai choisi une chanson de Barry Paquin Roberge. On va l'écouter maintenant pour vous donner une idée de l'ambiance. Voici Hug or Kiss. Merci, Jacques. Avec plaisir. Just see you. Your clueless eyes give me no clue of what I should do. Barry Paquin-Roberge avec Her Girl Kiss. Ouais, ouais, là j'avais une hésitation parce que je ne sais pas quoi choisir. Barry Paquin-Roberge qui sera ce soir à 18h sur la scène Hydro-Québec de la Place d'Youville. C'est gratuit donc, comme disait Jacques Boivin, pas d'excuse pour ne pas y aller. Je pense qu'on peut être curieux là-dessus. Aucune excuse, curieux. Écoute, il y a des gens dans le bar ici qui ont entendu hey, « mais il y a Tania là! » Pour ne pas la citer. De quoi? Hey, c'est qui ça? C'est donc bien bon? Là, vous savez. Vous avez la réponse. On reçoit maintenant autour de la table donc Tania Bobo. Oui, ouais, je suis brûlée. On le sait que je suis là. Ça y est. Il était tout le temps là. Et voilà la deuxième voix. Ben, toi aussi, Philippe Papineau, salut. Journaliste culturel au Devoir. Ça va bien? Ça va super bien. Oui, c'est vrai que ça fait. On s'est demandé tout à l'heure, ça fait combien d'années que je viens vous achaler en ondes pendant le festival d'été? Je pense qu'on est à 6, 7 ans, 8 ans là, que je viens de vous achaler. Oui, c'est un rendez-vous habituel. Ouais. Dès qu'on a su que tu étais en ville, on t'a dit viens, tu dois venir dans cette émission. Enfin, pour tout vous dire, chers auditeurs, on m'a mis des menottes tantôt. On m'a dit tu viens à l'émission, s'il te plaît. Je dis non, j'ai d'autres choses, j'ai un rendez-vous. Non, alors je suis venu ici pour. Mais c'est pour nous parler de ton travail, journaliste culturel. On parlera plus tard de ce que j'ai vu hier soir. Oui, aussi. Parce que tout le monde est allé voir Beck, je suis allé voir autre chose. Ça va peut-être faire un peu de divergence d'opinion. C'est clair, parce que c'était une soirée tout à fait différente au Parc de la Francophonie hier soir. Un peu, oui. Pour ne pas la citer. Philippe, parle-nous, pourquoi donc toi, tu es basé à Montréal habituellement. Mm-hmm. On te fait monter spécialement pour aller couvrir le Festival d'été de Québec. Oui, depuis, c'est ça, je pense que ça fait 7 ou 8 ans, Le Devoir a pris, avait envie de développer aussi le marché de Québec. Veux pas, c'est un marché important pour nous. Montréal est bien sûr, par la quantité de gens, un marché d'abonnement important, mais aussi les gens à Québec par la politique, entre autres, mais aussi par la vie de la ville de Québec, la vie culturelle aussi à Québec, un peu, on la couvre entre autres au théâtre. Et c'était tout à fait logique qu'on suive le festival d'été qui devenait nécessairement incontournable avec les années. C'est bon, la transition, on l'a suivi un peu avec les années, mais il y avait quelque chose d'évident d'aller couvrir ce gros festival qui est à quelques kilomètres de chez nous, 200-300 kilomètres de la maison. Puis des fois, on va couvrir des trucs en Europe qui ont un impact, oui, important, mais aussi plus éloigné de nous culturellement et de l'impact que ça peut avoir économiquement, de l'impact que ça peut avoir culturellement dans la vie québécoise. Fait qu'on trouve ça bien important de se rendre au FEQ depuis ce temps-là. Donc, et puis, on est là. Cette année, je l'ai fait souvent des années, des 10-11 jours au complet. Là, cette année, depuis 2-3 ans, on se fait un espèce de jeu de tag, un jeu de couverture à relais avec deux de mes collègues, avec Philippe Renaud et Sylvain Cormier. Donc, moi, je fais le dernier sprint. Je suis arrivé hier pour les 4 derniers jours du festival. Ah, donc vous vous relayez. Oui, ben, c'est ça. C'est aussi humainement difficile. Vous savez, vous passez toute la semaine ici. C'est dur de faire tout ça. Alors, de temps en temps aussi, il y a les familles et tout. Alors, on essaie de rapetisser un petit peu les moments de couverture, mais c'est toujours très agréable de venir ici au festival d'été. Et Philippe, du côté de Montréal, est-ce qu'on en parle, tu sais, en dehors des médias, là, du festival d'été de Québec, est-ce que ça revient dans les conversations? « Oh, je vais peut-être monter à Québec pour voir tel artiste. » C'est super intéressant. Puis il y a plein de sous-textes qu'on pourrait dire à la question, dans le sens où on peut parler de couverture médiatique, entre autres, de ce qui se fait ici à Québec. Moi, quand j'arrive ici puis que je vois les journaux et tout ce qu'ils font comme article sur le festival d'été, c'est époustouflant, dans le bon et le mauvais, je vous dirais, dans l'espèce de surenchère qui est parfois là, ou alors chaque petit détail sur les vedettes est mis de l'avant. Moi, j'aime beaucoup tous mes... Je me suis fait des amis dans les collègues des autres journaux avec les années, puis c'est pas des gens que... Je critique pas le travail qu'ils font, mais des fois, savoir que le gars de Foo Fighter voulait un Gatorade bleu, c'est pas, pour moi, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est trop... On met trop d'accent, je pense, ici, sur la façon, sur la vedette et pourquoi il est venu à Québec. Et il a fait ça à Québec et il est allé manger à tel restaurant à Québec. Pour moi, c'est personnellement, c'est journalistiquement, c'est pas très c'est intéressant. C'est pas censé être d'intérêt public. C'est ça. Donc, nous, on couvre le festival d'été d'un point de vue, c'est sûr, extérieur. On n'a pas du tout le même regard. On a peut-être un peu de distance avec ce qui s'amène comme avantage et comme faiblesse. On est peut-être moins dans le fin détail de la couverture de ce qui se passe dans le rebondissement, dans l'annulation de tel ou tel concert. C'est pas notre angle d'attaque. On y va beaucoup sur les concerts, puis on y va pas aussi beaucoup sur les plaines. Notre façon de le voir, c'est les plaines sont là. Quand ça donne sur notre, disons, vision culturelle ou notre vision musicale, on va y aller. Sinon, on se donne vraiment le droit de faire des pré-papiers ou de faire des critiques de concerts qui ont lieu sur les scènes secondaires, même tertiaires, parce que nous, on estime que c'est ça qui compte ce jour-là ou ce moment-là qui est important pour nous. Donc, c'est un regard qui est aussi... Puis aussi, il y a d'autres écosystèmes de festivals. On a les Franco qui sont à peu près un petit peu avant, le jazz aussi. Donc, il y a beaucoup d'autres événements qui s'entremêlent dans la vie culturelle. Donc, c'est moins monochrome, disons. C'est moins un sujet important qui va se passer dans l'été. Mais il y a plein d'autres événements qui viennent un peu chambouler l'importance qu'on peut y accorder. Mais sinon, les têtes d'affiche nécessairement font encore parler, même à Montréal, c'est sûr. Mm-hmm. Mais parfois, les artistes se recoupent aussi, même c'est souvent. Ça aussi. Hein, ouais. Il y a un problème. Mm-hmm. On parlait de Beck tout à l'heure. Ouais. Nous, hier, je ne suis pas allé voir Beck parce qu'on a couvert à Laval deux jours avant, donc qui est à côté de la maison. Alors, est-ce qu'on refait une autre couverture? C'est sûr, cette routine des tournées de festival, ils vont les voir passer à Québec avant en premier, ou des fois, ils vont être à Montréal, ou ils vont être à Ottawa au Blues Fest avant. Donc, il faut essayer d'être cohérent dans notre couverture, pas juste pour un festival, mais pour l'ensemble de la programmation de l'été. Donc, il faut pas se dédoubler. Ça sert à rien de faire deux critiques du show de Beck, là, franchement. Petite remise en contexte. Donc, pendant les spectacles, il y a généralement une tente média. Donc, mm-hmm. là, on retrouve les médias écrits qui écrivent en direct, mm-hmm. en fait, sur le spectacle. J'aimerais savoir ce qui se passe un peu dans ton cerveau. Parce que oui, il y a l'article à écrire, mais il y a Twitter aussi. On vous demande de tweeter? C'est une exigence? Non. Ou... ma relation à Twitter change avec les années, je dirais. Mais en même temps, c'est drôle. J'en disais moi, Tania, tout à l'heure. Ouais. On dirait que quand j'arrive au festival, avec les années, je me suis habitué à jouer avec ça. Puis tantôt on parlait du regard, du travail que ce que font les collègues, puis de nous ce qu'on peut faire un peu en marge et en parallèle. C'est un peu aussi une approche que j'avais en réaction, entre guillemets, ou alors souvent on va lire les comptes Twitter de ce qui se passe, puis on va savoir tel artiste a joué telle chanson. Ensuite, l'autre tweet, tel artiste a joué telle chanson. Mm. Après le quatrième comme ça, pour moi, c'est moins intéressant. Alors j'essaie toujours d'approcher Twitter d'une façon plus décalée, plus contextuelle, plus large, humoristique aussi. Puis c'est, on dirait qu'à chaque fois que je reviens au festival, je mets la switch FAQ à on, puis je m'amuse à déconner un petit peu plus en donnant de l'info, en donnant aussi du personnel, en donnant un peu de tout pour, je pense que ça peut faire une performance Twitter un peu plus intéressante et plus le fun aussi à lire et en complément de ce que les autres font. Sinon, pour l'écriture en direct, c'est un muscle à développer. Il y a plein de façons de le faire aussi. Parce que tu peux pas avoir le temps de décanter du spectacle. Malheureusement, non. Il y a moyen, par exemple, de ne pas trop écrire rapidement, c'est-à-dire de laisser beaucoup de chansons passer et ensuite, après 45 minutes, une heure, de prendre des notes, mais de chercher... Moi, ma façon, c'est de chercher une histoire à raconter. C'est quoi qu'est-ce qui croise cette soirée-là? Qu'est-ce qui est l'histoire de ce spectacle-là? Puis pas juste dire, il a fait telle chanson qui était de telle façon. Il a fait telle chanson qui était de telle façon. Parce que c'est pas un compte rendu. Non, mais c'est ça. Faire une liste d'épicerie de ce qui s'est passé, c'est une façon, en fait, qui se vaut et qui est je dirais, plus facile à faire dans les enjeux de deadline, dans les enjeux de délai de tombée. Alors, c'est sûr que quand il faut remettre son texte, chaque journal a son délai différent, son heure de tombée différente. Donc, quand il faut remettre un texte à 10h30 ou à 11h30, cette heure-là, elle est cruciale. Elle permet justement de faire comme, bon, attends, non, je ne recommençais pas ça, l'histoire du show. Je vais réécrire un truc. Je vais me laisser une heure de spectacle avant de commencer à écrire, ce qui n'est pas vraiment faisable quand ton délai est très tôt. Alors, c'est sûr que chacun a des conditions différentes pour faire ce travail en direct, mais c'est un muscle à développer. Là. Des fois, il y a des soirs où ça ne marche pas. Des fois, comme l'entraînement, on est raqué, puis on se ramassera bas sur des façons peut-être plus faciles, qui sont efficaces et qui sont justes et qui sont éthiques, mais qui sont juste être un peu moins fantastiques. Est-ce qu'il y a la pression de sortir l'article en premier ou on mise plus sur la qualité? Ou les deux, bien sûr. Ben, ça dépend à qui on parle, je dirais. Mais, dans ton cas? je pense que... ouais, c'est une bonne question, mais la remise à temps, à un moment donné, c'est que ça devient un peu naturel. Tu sais qu'il te reste un certain temps, puis tu Au pire, tu coupes le coin rond. Ben, pas les couper le coin rond, mais tu peux comme, couper un peu sur la magie et y aller plus efficace. De toute façon, au pire, comme je dis, un texte de critique puis un texte de journal, même le lendemain matin, on recommence. C'est pas la fin du monde non plus. Mais je pense que le délai. L'important, c'est de finir à temps. Parce qu'après, sinon, on est absent de la Coupe. Nous, on ne l'a pas dans le papier depuis quelques temps. Les critiques ne sont pas dans la version papier, mais sont dans les versions numériques. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on a un rapport un peu différent, mais quand même, il y a une équipe qui doit mettre ça en ligne et qui, à un moment donné, va se coucher, ferme les livres. Alors, il faut surtout que ça soit fini. Puis après, ben, si on peut y aller avec un peu d'esprit, un peu de plaisir là-dedans, c'est sûr que c'est comme le bonus qui fait que t'es fier d'avoir... T'envoies ton courriel avec ton texte, puis t'es fier. Là, mm-hmm. Et j'imagine qu'on t'envoie pas toujours voir des artistes que tu aimes. Ouais. Comment on fait pour écrire sur un artiste qu'on n'aime pas a priori, mais bon, on peut pas non plus le détruire parce que la performance sera peut-être bonne, mm-hmm. mais pas dans mm-hmm. ce qu'on aime. Ben, oui, puis en fait, c'est dans l'ensemble de ce travail de critique-là... Mm-hmm. Je dirais qu'au devoir, on est hyper chanceux parce qu'on se donne le droit on n'a pas on ne nous attend pas partout. Je dirais comme ça, les gens qui nous suivent nous attendent à certains détours, ils nous attendent à certains types de musique. On a tendance à approcher, à mettre l'accent sur des trucs où la création est importante, où l'innovation est importante, où il y a quelque chose, il y a une valeur culturelle, un avancement de quelque chose, même un petit centimètre ici et là dans la musique. Donc, c'est rare que dans mon travail au quotidien, j'ai à me frotter avec des trucs que j'aime vraiment pas. Mais ça arrive. Récemment, j'ai fait un truc avec deux frères pour le journal qui était paru il y a 2-3 jours et je vais aller les voir demain en spectacle. Je veux dire, j'ai aucune affinité particulière musicale avec ça. Mais au bout du compte, il faut aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, pourquoi, comment ils vivent leur vie. Puis il y a quelque chose, il y a un rapport au métier de musicien, au métier de création qui est. Les métiers de la création qui est intéressant. Après, c'est sûr que d'enlever sa casquette de personnel puis de mettre sa casquette de journaliste, c'est pas toujours facile parce que les deux sont tendance à s'entremêler. Mais d'avoir un regard éclairé là-dessus, d'avoir un bras de distance, mais d'être capable de reconnaître la qualité des choses, même si ce ne sont pas nos goûts personnels, c'est pas facile. Mais faut le faire. Mais je pense que ça peut faire des moins bons textes ou des vraiment bons textes, selon parce que ça peut créer quelque chose de spécial, de cette espèce de choc des goûts. Puis il y a des exemples que je donne souvent en musique. Mettons Claude Pelgag. Moi, c'est une artiste que je défends partout. Dont je dis que du bien ou presque là, dans toutes les critiques. C'est important que cette personne existe. Mais chez nous, j'écoute pas Claude Pelgag parce que ça donne pas dans mes goûts personnels. Mais c'est pas grave. J'ai pas à dire que c'est pas bon parce que j'aime pas ça pour mes goûts. Puis encore, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est pas c'est parce que tu vas écouter intuitivement. C'est pas ce que j'ai dans mon iPad, dans mon iPhone. Je sais pas. Ouais. Alors, donc, c'est un exemple très, très pointu, mais en même temps, il y a plein de ces groupes-là qu'il faut. Il faut reconnaître la qualité, la valeur au-delà de ses goûts personnels, mais c'est un effort. Faut qu'on soit conscient de ça pour être bon après à gérer ça. Si on pense pas à ça, si on comprend pas qu'il y a ces deux chapeaux-là, c'est là où ça devient un peu plus problématique, je trouve, là, comme journaliste. Là. Merci beaucoup, Philippe Papineau. C'était super intéressant. Journaliste culturel dans Le Devoir. Alors ce soir. J'ai chaud, là, je parlais de moi de même. Là. On ne te fait pas souvent parler de ton métier non, comme vrai. Ça à la radio. Tu vas voir quoi ce soir? Je vais voir Lord, Cyndi Lauper et Milk and Bone, donc sur les plans ce soir. D'accord. Peut-être Barry Parker-Roberge, là, puisque là, j'ai été. Ouais, Jacques nous menote, nous aussi, pour aller voir ça. Alors, on va continuer avec notre prochain invité. Ils joueront aussi au Carré du Ville. Ce soir, voici Papa Groove avec Qui c'est ? Yeah. sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Ce vendredi au Lotomax, 60 millions plus 22 max millions. Donc, tout le monde doit rester, il faut qu'on finisse le rapport. Pourrait devenir... Tout le monde doit pacter, il faut qu'on file à l'aéroport. Jouer en groupe. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Le Spot, c'est un lieu de rassemblement et d'activités extérieures gratuites. Tout l'été, rendez-vous au parvis de l'église Saint-Charles de Limoilou. Au programme, activités familiales, yoga, spectacle, soirées thématiques ou pourquoi pas, une partie de mini-pot. Le Spot, un sympathique parvis ouvert à tous. Programmation au facebook.com/spotqc et sur monlimoilou.com. En juillet, voyez au cinéma Le Clap, Hôtel Transylvanie 3, Les Vacances d'été et Raph ma girafe dès le 13 juillet. Le Justicier 2 et Salut 7 dès le 20 juillet et 1991 ainsi que Mission Impossible Répercussion dès le 27 juillet. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vanessa, de la succursale Saint-Roch, vous suggère « La chanson de ma mère », un recueil de poésie d'Alain Larose. D'une grande force évocatrice, le livre nous fait traverser la vie d'une femme jusqu'à ce que l'oubli s'empare d'elle. Le narrateur rapièce le passé et le présent et nous fait accéder à des tableaux intimes. C'est une histoire universelle, celle de la vie qui s'en va, qui nous est dépeinte avec crudité, mais surtout avec une infinie tendresse. Et Édouard, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose « Calepin impérial », un roman fantastique signé Angelica Gorodischer. Rassemblé en une vaste fable au relent d'éternité, voici l'histoire du plus grand des empires, celui qui a toujours survécu et renaîtra sans cesse. À travers ses gloires et ses déchéances, c'est la saga de toutes les grandes puissances du monde qui prend forme, convergeant en un récit unique, grandiose et captivant. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Pourquoi choisir Matelas Confort? Parce que les prix du fabricant sont les plus bas. Seul Matelas Confort vous offre la qualité des matelas d'autrefois. Une qualité durable, un fabricant d'ici. Pourquoi choisir Matelas Confort? Chambre! Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Et si vous voulez venir nous rejoindre au Sacrilège, c'est le moment, 447 rue Saint-Georges, Jessica Leb avec vous pour vous accompagner jusqu'à 17h30. Mais évidemment, j'ai tous mes invités aussi qui vont être là, artistes qui font partie de la programmation du Festival d'été de Québec. Et on part maintenant à la place d'Youville. On se projette un peu ce soir pour une soirée festive, j'en suis sûre, 19h30, avec le projet de Papa Groove. Ils sont 10 sur scène, des cuivres, des percussions. On passe par bon nombre de styles musicaux aussi, de l'afro, du funk, d'afrobeat aussi. Vraiment, j'ai très très hâte de voir ça. Pour vous en parler, je suis avec trois des membres de Papa Groove, Mélissa Lavergne, Mathieu Van Vliet. Van Vliet, toi, exact. Et Mario Allard. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-moi un petit peu cette aventure de Papa Groove, parce que quand même, pour être 10 sur scène, c'est donc 10 horaires à coordonner, puis vous êtes chacun dans des projets différents aussi en tant que musicien. Mélissa, peut-être raconte-nous un peu l'histoire de Papa Groove. Mais je pense que pour ça, je vais passer le micro à Mario, parce que moi, en fait, je suis une nouvelle. Ils m'ont adoptée il y a 2 ans, d'accord, alors que le groupe existe depuis 10 ans. Alors, pour ce qui est de la genèse vraiment du groupe, je vais passer la parole à Mario. En fait, Papa Groove a commencé en 2006 de façon instrumentale. Puis on était, Mathieu, une dizaine, environ une dizaine on au début. On était proche d'une dizaine déjà au début. Puis le chanteur s'est ajouté autour de 2007. Et on a fait le premier album, et ainsi de suite. Puis il y a eu des changements dans la formation. À un moment, on était 13, puis ça, on l'a diminué à 9. Et l'ajout de Mélissa a fait que maintenant, on est 10 dans le groupe. C'est maintenant le nombre parfait. Et c'est ça. Ça ne devrait plus bouger. Et mais donc, racontez-moi, vous êtes musicien. Au départ, vous avez jamé ensemble, vous avez improvisé. Comment ça se fait que ça soit vous 10 maintenant, aujourd'hui? Ben, à l'époque, justement, on a commencé. On était tous assez jeunes, jeunes vingtaines, puis on jamait dans les bars de Montréal jusqu'à ce que ça devienne un jam de tellement organisé qu'on avait un répertoire. Et de là, c'est devenu un spectacle instrumental, comme Mario disait. Puis à partir de là, on a rencontré Sébastien Francisque, le chanteur, qui s'est joint au groupe. Et puis en fait, il s'est intégré, les textes et la voix s'est intégrée à des chansons préexistantes. Et ça a fait le premier album de Papa Groove, We're Not Blind. Et donc après, bon, le groupe, tout le monde a évolué comme musicien professionnel, ce qui veut dire, dans le métier, travailler pour beaucoup d'artistes différents. Mais c'est toujours resté le carré de sable de tout le monde. C'est l'endroit où on est tous un peu chef, on a tous le droit à donner une direction artistique au projet. C'est l'endroit où on s'éclate. Oui, non, c'est vraiment, c'est un band de musiciens avec une liberté qu'on retrouve rarement quand on accompagne un artiste. Puis une implication émotionnelle aussi, parce que quand on accompagne différents artistes, ça reste qu'on est soldats musicaux. On veut le meilleur du spectacle, le meilleur de la musique, mais en même temps, il n'y a pas d'implication émotionnelle dans le sens où on n'est pas dans la composition, on n'est pas dans les arrangements. Alors que Papa Groove, comme Mathieu disait, tout le monde a son mot à dire sur l'arrangement. Donc, ça donne une implication plus grande que nos autres projets ou que la plus part de nos autres projets. Alors, c'est encore plus éclatant pour nous, encore plus effervescent. On se donne 2 fois plus, j'ai l'impression, voilà, du fait de cette implication-là. Ça se ressent beaucoup quand on voit un public qui vient voir Patrice Michaud ou Robert Charlebois ou des gens qu'on peut accompagner, où vraiment l'attention du public est à pratiquement à 100% focalisée sur le frontman, le chanteur, avec raison. C'est son spectacle, c'est son prénom qui est sur l'affiche. Et avec Papa Groove, on sent vraiment que le band au complet est mis en vedette. Du début à la fin, chaque individu, à un moment du spectacle, a vraiment une plage ouverte, qu'on dit open en bon français, où vraiment le musicien prend le micro pour autant de temps qu'il désira. Et donc, ça permet vraiment à chacun d'être un peu la vedette dans un monde qui est beaucoup plus de l'accompagnement. Alors, il y a les albums, bien sûr, The Hunt, qui est paru l'année dernière pour Papa Groove, mais il y a l'expérience sur scène aussi. J'ai l'impression qu'en tant que public, quand même, dès qu'on voit des gros groupes avec des cuivres et des percussions, vous n'avez pas le choix d'être festif. Si ça lève pas, on serait très déçu, parce que c'est le genre d'instrument où ça crée déjà des attentes quand on les voit sur scène. Absolument, ça danse. C'est sûr que c'est une musique qui est faite pour danser, qui est née de la danse. Puis qui est née de l'afrobeat aussi. Puis, d'ailleurs, on est tellement content de faire la première partie, ou en tout cas de précéder Femi Kuti, qui est le fils du grand parrain de ce courant-là musical. Puis dans Papa Groove, on retrouve beaucoup ces rythmiques-là à afrobeat qui sont très, très, très dansantes, très festives, qui appellent au mouvement. Alors, les gens, normalement, c'est... En fait, on n'a jamais vu de gens rester assis au concert de Papa Groove. Là, ça se lève assez rapidement. Puis évidemment, on change de setlist en fonction des scènes extérieures. On a quelques pièces plus mollo, plus relax qu'on garde pour les... Puis je te dirais que c'est un groupe qui a toujours été à son meilleur live parce que c'est extrêmement impressionnant se prendre la masse de son puis la diversité des textures qu'on peut avoir à autant de musiciens. Mais The Hunt, je pense, c'est le meilleur album qu'on a fait pour réussir à transmettre cette énergie-là sur un album, qu'on puisse en profiter de la même manière. Vous vous amusez dans les rythmes, dans les langues aussi. Parfois, il y a qui sait qu'on a entendu ou on entend ces mots en français aussi, alors que vous êtes plus dans l'anglais habituellement. Pourquoi le français est aussi peu présent et que c'est l'anglais qui prend plus le dessus? C'est la tradition de la musique qui a un peu appelé ça. Ouais. Le chanteur Sébastien qui écrit ses textes en partenariat avec d'autres des fois. Ça lui vient en anglais comme bien des gens. C'est une musique qui est très difficile à... Ben l'oncle Soul est peut-être un des rares qui a réussi à vraiment traduire le soul en français. La funk, ce genre de son-là, c'est quelque chose qui a été très difficile. Puis naturellement, culturellement, quand on a tellement écouté ça dans une certaine langue, ça vient naturellement dans cette langue-là au final. Donc, à l'écriture, oui. Puis après, on a intégré parce que notre trompettiste est polonais. Et donc, si on écoute Where's Pedro, il y a une intervention en polonais. Qui sait, il y a des mots en français. Bon, on va jouer avec les langues, mais c'est clair qu'au final, l'anglais... Mais vous pouvez, par contre, trouver une pièce en français sur le troisième album. C'est vrai? C'est sur le Yeti. Donc, c'est la première fois... Je pense qu'il n'y a pas de statement là-dedans. C'est vraiment une question de naturel de création. Puis ces textes-là qui sont en français sont venus naturellement à Sébastien en français, alors que qu'il fait plus d'anglais. Mais c'est ça, c'est pas... Il n'y a pas là-dedans une recherche. Une règle à se dire, on fait tout en anglais. Ou on fait... Non, je n'ai pas une décision. Il sentait comme ça, puis c'est venu comme ça. On parlait de la difficulté des horaires à 10 musiciens, puis des projets pour vous retrouver. Mais... Parlez-en, Mario. Oui, Mario, c'est notre grand Manitou coordonnateur. Gestionnaire de projet. Oui, voilà. Mais tourner à 10 aussi, en diffusion, pour vous accueillir dans un festival, forcément, c'est plus de budget que d'accueillir un artiste en solo. Est-ce que vous le ressentez malgré le projet rassembleur, fédérateur, vous faites danser les foules? Quand même se faire booker à 10. Ben oui, on le ressent parce que c'est pas évident. Puis je veux dire, en parlant avec notre booker, c'est sûr que c'est dur de vendre le groupe à 10. Des fois, il y a faute de moyens, faute de. Etc. Mais... Vous avez des formules réduites aussi du groupe ou vous êtes toujours à 10? Non, c'est parce vraiment... que ça dénature rapidement le groupe si on descend en bas. Donc éventuellement, il peut y avoir un absent, mais rarement en dessous de 9. Là. C'est sûr que c'est une ère en ce moment où il y a de moins en moins de sous pour la musique. Tu sais, même les auteurs-compositeurs interprètes font beaucoup de spectacles solo. Il y a vraiment une direction, un courant comme ça de réduire les groupes. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on a autant de plaisir puis qu'on accepte à bras ouverts les opportunités de jouer avec Papa Groove parce que même pour nous, les musiciens, ça devient rare de s'éclater sur une scène à 10. Donc, vraiment, on chérit beaucoup le projet à cause de ça, notamment. C'est vrai que beaucoup d'artistes qui roulent bien vont rouler à formule réduite ou c'est un peu l'art des multi-instrumentistes. Quelqu'un va pouvoir faire des guitares, des claviers, un peu de violon, vous chanter. Enfin, je veux dire, ça devient des hommes à tout faire ou des femmes à tout faire, mais y a l'ère des gros groupes est derrière nous. L'industrie de la musique est complètement... C'est toujours pas remise encore du numérique. Fait que les budgets sont pas là. Donc, c'est sûr qu'on nous débarque avec une proposition qui détonne un peu dans le paysage, mais nous, ça nous fait du bien. Ça a peut-être freiné un peu la carrière. Peut-être que si on avait fait ce projet-là il y a 25 ans, on aurait pu tourner beaucoup plus qu'on l'a fait. Mais bon, on continue à tourner. Ça fait 15 ans tranquillement, mais on espère aller de plus en plus loin pareil avec ça. C'est l'importance de croire en son projet. Et on le voit, ces groupes existent encore aujourd'hui, particulièrement à Montréal, qu'ils soient multi-ethniques, ou je pense aussi à Busty and the Bass aussi, où ils sont très nombreux sur scène. On voit, ça continue. Et malgré ça, les groupes arrivent à tourner même à l'international. Je vous souhaite donc le même succès. Mais ce soir, donc, on est très chanceux de vous avoir à Québec au Festival d'été. Je rappelle, ça sera à 19h30 à la Place du Ville. C'est gratuit en plus, donc vraiment aucune raison de ne pas en profiter. Merci à tous les trois d'être venu nous voir. Merci de l'invitation. Puis on vous attend danser venez devant danser nous ce soir nous. Avec nous. Mélissa, Mathieu et Mario de Papa Groove, voici All of Us maintenant en extrait. Yes. How did we get so rude? Why can't we stop now? Superstitions will fall away. We want it no more the feeling of being caught in a race. We want it all on the sable, the conflicts at bay. Oh, I wanna make this place, this Real far away. Groove avec All of Us que vous pourrez voir ce soir, hein, 10 musiciens sur scène, je vous le rappelle, scène Hydro-Québec, c'est à 19h30 sur la place du Ville et c'est gratuit. On est encore dans cette soirée qui, oui, vous demandera de faire des choix déchirants, quoique ils jouent après aussi, alors vous pourrez les voir même après Papa Groove, les hôtesses d'Hilaire. Allô? Qui nous viennent du Nouveau-Brunswick sont là. Yeah! Mais ils sont là, il y en a 2 sur 5. Ben, on essaie de battre Papa Groove, là, nous autres. Là. So, on fait un opéra rock au mois de novembre, puis on va être 14 sur scène. So, wow! Ouais, ça sera pour la version hivernale. Hivernale, oui. Les hôtesses d'Hilaire, ce soir, vous jouez à la scène de l'Auto-Québec, Parc de la Francophonie, à 20h. Et oui, tu parlais d'opéra rock, puisque le tout nouvel album qui est sorti un peu plus tôt au printemps, Viens avec moi. C'est ce que vous nous proposez ce soir, mais version extérieure, même pas du tout, vous n'en jouez pas, rien. On va jouer peut-être quelques pièces, là, mais notre spectacle, le spectacle d'été, c'est vraiment un best-of des 4 albums. C'est un spectacle rock qui s'apprête à des festivals. Puis à l'automne, ça va vraiment être le Viens avec moi. C'est ça qu'on va présenter, qui va être avec de la mise en scène, avec 4 comédiens, avec les Hey Babies aussi sur scène avec nous autres. Ça va être une grosse affaire. Les Hey Babies comme choriste. Comme choriste, ouais. Ça va comme choriste, hein, y a pire. Puis il y a Anna France Meyer qui va être dans le spectacle, qui va jouer le rôle de Julia. Oui. Il y a Robin Joelcool du groupe Montana qui va jouer. Kevin. Ouais, c'est lui qui gagne à l'émission de la télé-réalité. Puis Serge Brideau qui va être joué par Serge Brideau. Oh, yeah! Toi-même, tu vas interpréter ton propre rôle. Puis Diane Nausée qui est, selon moi, le secret le mieux gardé du spectacle. Une grande comédienne de chez nous qui va jouer Glenn. La queen de l'Acadie. La queen de l'Acadie. Puis ouais, c'est ça, on a hâte. Puis tu sais, il va y avoir des projections. Ça, c'est pour le mois de novembre. Ouais, oui, c'est le mois de novembre. D'accord. On présente pas ça à soir. Non, c'est mais ça. Mais si vous voulez, au mois de novembre, on est à l'Impérial. Bon, c'est important de parler de ce spectacle aussi. Absolument. Parce que ça a dû quand même être particulier pour vous. Vous avez sorti l'album avant l'été. Finalement, ce spectacle sera présenté à l'hiver. Puis on vous a quand même invité dans des festivals cet été. Oui, c'est assez compliqué. Ben oui, c'est compliqué, mais ça marche bien quand même. Parce qu'en fait, nous autres, comme ici, là, on va jouer juste. C'est comme que Serge a dit tantôt, c'est le best-of de tous nos albums. C'est un spectacle de rock régulier, comme qu'on fait. Mais l'opéra rock Viens avec moi, ça sera exclusivement Viens avec moi. C'est l'album de A à Z avec les visuels, avec les comédiens. Alors, c'est... On est excité parce que c'est l'aboutissement. On avait ça dans la tête, ça fait longtemps de faire un album concept. Puis là, ça se concrétise. Puis tout le monde est en arrière de nous autres. On est heureux de présenter, puis enfin de voir ce petit projet-là naître. Alors, les hôtesses d'Hilaire, vous venez du Nouveau-Brunswick, et si on vous a peut-être déjà croisé sur la route, en tout cas, on ne peut pas vous manquer avec votre tourbus commandité par le Trou du Diable, oui. Immense, noir. C'est un bus scolaire que vous avez repeint en noir ou... C'est ça, ben, c'est le Trou du Diable, il a été gentil. On a acheté cet autobus scolaire-là, puis j'ai demandé à Isaac Tremblay de nous donner de la bière, puis peinturer notre bus, puis il a dit oui. Puis il a dit oui, ouais, ça nous a sauvé plein d'argent. Est-ce que vous êtes fourni en bière pendant toutes vos tournées? Oui. Ah ouais. Ouais, on boit beaucoup de Trou du Diable. C'est bon ça. Ouais. Et moi je me souviens une fois je vous ai croisé en allant vers Montréal puis je vous ai écrit sur votre page Facebook juste après. Oh, j'adore votre tourbus, c'est génial. Vous devez recevoir des réactions de gens qui vous croisent. Beaucoup de klaxons. Il y a des gens qui nous passent sur le highway puis c'est ça klaxonne puis ça crie, ça fait des signes de rock and roll. Puis... Ouais, c'est le fun de faire la 20, c'est toujours intéressant. Ouais. On passe pas inaperçu. Vous ennuyez pas aussi sur la route. On parle que c'est l'une des routes les plus ennuyantes du Québec. Ouais, mais c'est pas si t'as un autobus, ça passe bien. Ouais, ça se passe bien. Puis comme tu dis, il y a des gens qui nous écrivent après qui disent « Ah, on vous a vu sur la vanne, nous on retourne par chez nous. » Puis c'est le fun. Intéressant. Et mais c'est un excellent moyen de visibilité aussi. Absolument. C'était le but. Moi, attirer l'attention, je suis pas pire là-dedans. Là, ouais, pretty good. J'aime ça. Serge, as-tu choisi ton costume pour ce soir? Vous étiez toujours une robe. Ben là, j'ai deux beaux costumes à soir. T'es indécis? Je suis indécis, c'est noir ou blanc. Mais le blanc, il s'allume. Mais la dernière fois, il y a des lumières LED dessus. Mais j'ai eu des petits chocs électriques parce que la belle a commencé à shorter. Celui-là, Léon va l'arranger. Puis c'est Léon qui est notre claviériste, mais aussi qui est homme à tout faire. Réussi couturier à... aussi? Non, il est vraiment dans l'électronique. Puis c'est comme genre un ingénieur en électronique, là, il fait ça. Ouais, il gagne sa vie en réparant des claviers aussi. Mais ouais, c'est ça, celui-là, j'ai dit ce qu'on peut. Parce que la dernière fois que je l'avais, j'ai pogné un gros choc, puis c'était comme. Le monde passait, je dansais une danse, c'était vraiment. Comme du breakdance, mais ouais, pas du c'était tout. Comme une convulsion. Vraiment spazzy. Ouais, c'est le fun. Ça a l'air d'être un détail comme ça, mais c'est drôle. Vous parliez de l'opéra rock qui va avoir une grosse mise en scène au mois de novembre, les hôtesses d'Hilaire en spectacle, c'est déjà de la mise en scène aussi. Serge qui danse, qui s'en va parfois de la scène pendant 10 minutes pour laisser place aux musiciens. Moi, c'est quelque chose que j'ai aimé dans les spectacles des hôtesses d'Hilaire, c'est que la musique. Ah, c'est drôle, a moi sa j'ai place. Beaucoup de plaintes. Le monde dit ça manque de Serge de faire un spectacle. C'est bien dosé. Mais Maxence, oui, le fait qu'on laisse la place comme ça aux instrumentales, ça peut durer 10 minutes. Ouais. C'est une tradition qui existe de moins en moins, ça. Ouais, c'est ça. Ben, nous, ça nous fait du bien. Ben, surtout moi, ça me fait du bien parce que Serge est souvent direct en avant de moi. Il y a plein de gens qui ne me voient pas pour tout le spectacle. Mais c'est parce qu'il est tout petit. Oh, il est tout petit, là. Il est tout petit, le petit Maxence. Mais non, ça fait du bien parce que là, je peux voir la face des gens que j'ai pas vu toute la soirée. Puis là, il rentre de nouveau, puis il se crisse en avant de moi. Puis. C'est le fun, on se fait du fun. Et Serge, ce soir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta performance dansante? Parce qu'il y a toujours des chorégraphies aussi pendant les hôtesses. C'est très improvisé, ça. Il n'y a rien de calculé là-dedans. Mais ouais, non, j'aime ça être à Québec. Pour vrai, on était juste... Le Festival d'été de Québec, je dis pas ça pour être gentil, là. C'est le mieux organisé que j'ai été. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, de tout le monde. C'est tout vrai, le temps. Là, c'est un autre préféré festival. Le son, tout. T'as juste tout à l'heure, t'es en train de faire la balance de son. Puis, j'ai hâte de jouer, ça sonne super bien. Puis tu sais, c'est vrai, tu sais, Québec, c'est une ville qui est le fun à jouer du rock. Tu sais, j'en parlais l'autre fois avec Metallica, je suis avec « Hey, Metallica, do you like Québec? » Puis il était comme « Ouais, j'étais comme « Yeah, wow, fuck, Lars. »« Fuck, Lars, yeah, man, Québec, man. » Non, mais c'est le fun. Puis, vous avez ça en commun. Ouais, Metallica. Ouais, on aime le rock Québec. Back in the day, on joue au fer à cheval ensemble, c'était vraiment des grosses brosses. No big deal. On joue aux Et je pense que ça y est, vous avez bien vendu votre spectacle pour ce soir, ambiance complètement folle. Faut pas oublier, il y a un petit groupe qui joue après, là, ils sont dans l'émergence, ils font pitié, là, mais venez les voir pareil, ça s'appelle Galaxy, je pense. Galaxy? Galaxy. Galaxy. Non, c'est Galaxy, ouais, je pense. Ouais. Ça, c'est en tout cas, venez les encourager. Mais oui. Fait pitié. Ils ont inversé les deux parties. C'est les hôtesses c'est ça, d'hier. Ben, on est tellement généreux, les gars, OK. On voulait pas qu'il. On va attirer du monde, puis là, on va dire au monde de rester. Ouais, c'est ça, parce qu'on voulait pas que eux jouent, puis il y avait personne. Non, ça aurait fait pitié. Tout le monde arrive, tout pour les hôtesses. Là. Vous avez pas peur que tout le monde parte après votre prestation? Non, je vais dire au monde. De rester. Très rester. Autoritaire, moi. OK. Oh, ouais. Ben, on va fermer les grilles. Ouais, on va faire sûr que tout le monde reste. Pas qu'ils sortent. Ouais. Merci beaucoup, Serge et Maxence des hôtesses d'Hilaire. Merci de votre support des hôtesses-là. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. 20h ce soir, Parc de la Francophonie. Tête d'affiche, on l'aura compris donc pour ce spectacle. Oui. Et moi, on va écouter une de mes chansons préférées de votre dernier album, l'avant-dernier album, Touche-moi pas là, c'est Fais faillite. Ben oui, écoutons-la. Faites faillite. Êtes-vous réveillé au beau milieu de la nuit en panique? Le poids de vos dettes qui vous hante jusqu'à dans votre sommeil? Le fardeau fiscal tourne vos rêves en cauchemar? Voulez-vous être heureux comme moi? Toujours souriant, libre comme un oiseau? Ben facile, il y a juste 5 étapes à suivre. Étape 1... Avez-vous déjà sorti avec une fille trop belle pour vous, avec des goûts dispendieux? Une belle femme, avec tout son avenir devant elle. Des voyages dans le sud, des restos trop chers, des sacoches avec des prix qui se peuvent pas. La carte, puis la marge de crédit, renaît dans le rouge. Elle est partie avec un docteur, puis vous sauvez de vos créditeurs. C'est facile, suivez les étapes. Dites-moi pas que vous avez travaillé à Fort McMurray. Vous avez le truc de l'année, la grosse cabane sur le bord de l'eau, le skidoo, le 4 roues, la roulotte, le bateau. Vous avez pas un, pas deux, mais 3 pressure washers. Pis là, le prix du pétrole a chuté. Pis ça fait longtemps que vous avez pas vu la lumière au bout du tunnel. Des consommateurs compulsifs. C'est la roue de l'économie. Consommer, consommer, consommer. Encore plus, encore plus, encore plus. Pour pas que la roue arrête de tourner. Des algorithmes qui vous ciblent, qui vous bombardent de publicité à chaque fois que vous tournez la tête. Ils ont créé de la demande pour des faux besoins. Vous êtes des victimes, victimes du système. Faites control out de l'île sur votre vie. Je sais pas moi, faites un pomme Z et faites faillite. Aux autres et faites faillite pour seulement 5 paiements faciles de 0$. Vous pouvez faire faillite. Le système vous a fourré. Ben fourrez le système. Faites faillite. Fait faillite les hôtesses d'Hilaire avec les Hey Babies hein, qui sont choristes sur cette chanson extrait de l'album Touche-moi pas là. Si vous voulez voir les hôtesses d'Hilaire, c'est à 20h ce soir. Et un artiste qui va rejouer parce qu'il était déjà hier soir à 22h au district Saint-Joseph, vraiment toute autre ambiance, c'est The Julian Taylor Band qui va être là de nouveau ce soir à 22h. Et pour y avoir fait un tour, c'est à ne pas manquer. Pour vous en parler, bien, je suis avec Julian en question. Bonjour. Bonjour. Et également avec Jeremy, qui est le batteur qui l'accompagne sur scène. Bonjour. Bonjour. Alors, Julian, je vais faire les questions en français puis en anglais pour lui traduire. I'm going to translate, don't worry. So, you're from Toronto. Oui. Is it the first time in Quebec City? Est-ce que c'est la première fois à Québec? It's the second time. Second time. Yeah, for about yesterday or before as well? We were here last summer. Last summer. Ok. Non, il était déjà venu à Québec l'été dernier. Je vais lui demander quel souvenir il en garde. And which memories do you keep from this first venue last summer? I love it here. I love Quebec City. Everybody's been so friendly, and the audiences are really engaging and wonderful. They seem to really like the music. It's a lot of fun to be here every time we've come. Que de bons souvenirs, parce que le public est vraiment avec eux sur scène, très enthousiaste. Ils participent aussi au spectacle donc, et les gens ont l'air d'aimer la musique. Donc, beaucoup de fun à Québec. Oui, l'année dernière, on était à Place Douville. Oui. Et on n'avait pas des expectations. On ne savait pas s'il y avait personne qui va être au show. Mm-hmm. Et puis, c'était incroyable. Des personnes sont partout, on a joué. L'amour, c'était vrai. Oui, vraiment. Et hier soir aussi, au district Saint-Joseph, moi, je suis venue vous voir. Il y avait un spectacle très rock à l'Impérial Belle, juste à côté, oui. Avec mon oncle Serge. Puis je suis venue avec vous juste après, au district Saint-Joseph, beaucoup plus sensuel, tamisé, tranquille, mais en même temps dynamique. J'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'il y a cette idée de représenter une ambiance de fin de soirée qui, oui, va être dynamique, mais qui en même temps va nous apaiser? Yesterday, it was a totally different atmosphere from the Imperial, where there was a rock show, very rough, and you were more sensual, dynamic, but, you know, like, romantic as well, I would like to say. Thank you, yeah. That's very nice of you. Is it the atmosphere you want to create in your shows? Oui, yes, it is. Why? Because we want to try to make people move. Here, and everywhere. Mm-hmm. You know, their bodies moving, their hearts moving, their minds moving. Yeah. Et oui, il veut cette atmosphère un peu intime pour que les gens bougent aussi, ils se sentent à l'aise de bouger autant dans la tête, dans le cœur. Il me les a montrés avec le doigt, alors j'essaie de resituer. Mais aussi le corps tout entier. C'est vrai que c'est une musique où on n'a pas peur de danser, même si on ne sait pas danser. C'est assez drôle de voir ça. Oui, on veut être dans un groupe qu'on veut voir. Être le groupe qui n'existe pas, peut-être. Mm-hmm. On peut... OK, pour accompagner. Oui, quand nous allons au concert, on va voir un groupe comme nous. Oui, exact. Pour que le public soit avec le groupe, effectivement, sur scène. Il y a un album live qui est paru l'année dernière, Live at Lee's Palace, très rare, j'allais dire au Québec, mais là, on parle d'un artiste de Toronto, mais ça reste quand même rare, les albums live aujourd'hui. Pourquoi avoir enregistré cet album live? Why did you record a live album last year? We hadn't actually done it before. Like an original record, we had... a previous record called Hey Hey Tutu, which was a live album of soul covers like Stevie Wonder, Marvin Gaye, and this was the first time we did it as our own material. And it was also the day that we released our record Desert Star, so we wanted to capture that there. Ok. Donc, c'était la première fois en fait qu'ils sortaient un album live avec les compositions originales. Donc, ils avaient vraiment envie de faire ça. Ils avaient un album live précédemment, mais avec des reprises comme de Stevie Wonder. Donc là, ils avaient vraiment envie de sortir quelque chose qui reflétait l'ambiance du spectacle, mais avec les nouvelles chansons de l'album Desert Star. Et c'est vrai que j'ai écouté l'album studio versus l'album live. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe en spectacle qu'on n'a pas sur l'album studio. Est-ce que vous, quand vous l'enregistrez, vous pensez à deux expériences différentes pour le public? Complètement. On dit tout le temps entre nous que le spectacle, c'est la seule chose qu'on ne peut pas download. Mm-hmm. C'est quelque chose de magique et ça passe seulement une fois. C'est vraiment différent pour enregistrer un live album parce qu'on ne pense pas de... des milliers de choses qu'on peut changer dans le studio. C'est seulement... Aussi, avec le digital streaming, pourquoi pas, c'est si facile de... C'est... Quand on était plus jeune, c'était vraiment cher pour enregistrer et ouais. Distribuer. Mais maintenant, c'est facile. Beaucoup plus facile, effectivement. Et c'est drôle parce que Julian a une voix vraiment très puissante, je trouve. Il fait des notes assez impressionnantes avec sa voix, mais malgré ça, il arrive à embarquer le public avec lui dans ses chansons et le public va chanter, même si on peut être un peu complexé de se dire, j'ai pas la même voix que lui. Julian, you have a great voice, really. It's like complex to hear you, to listen to you, because it's hard to imitate your notes, like when you sing, but the audience sing with you. So how do you involve your audience in your songs? I sometimes like to write really, really simple lyrics so they can sing along. That's a secret. Yeah, le secret, c'est juste que j'écris des chansons très très simples, donc le public peut vraiment chanter avec moi. Mais je pense à la chanson Bobby Champagne, par exemple. Le refrain, hier, il l'a chanté une ou deux fois, puis ça y est, je le connaissais par cœur en anglais. Il faut le faire quand même, c'est pas facile ça. Like the Bobby Champagne song, it's very simple. I have to say, the lyrics are What's your name? And she said, I'm Bobby Champagne. That's very easy. True. Well, that actually happened. That's all true. When I asked her name, she said, Oui. I'm Bobby Champagne. Elle est, okay. elle est vraie personne. Yeah. Elle existe. Bobby D'accord. Champagne. Ben, l'exemple de ces paroles très très simples, c'est la chanson Bobby Champagne que vous pouvez retrouver sur l'album Desert Star, parce que le refrain c'est comment tu t'appelles, elle a dit Bobby Champagne, puis vous l'entendez deux fois, vous êtes capable de la chanter malgré peut-être la complexité de la mélodie, et il me précise donc que c'est une histoire vraie en plus. Alors il rejoue ce soir au District Saint-Joseph, est-ce que le spectacle sera différent ou est-ce qu'on on peut s'attendre à la même chose qu'hier soir, ou du moins quelque chose de similaire? You play again tonight? Oui. Is it the same set than yesterday night or will you play something different? Si vous different? Étiez là le dernier soir, c'est So, I mean, it's, on ne sait pas. Really? Is it going to be the same? I don't know. You don't know? I don't know. It's like last-minute choice? Yeah, well, I will probably sit and write a set list, and then parts of it will be the same, but I have to go through the whole thing and, you know, envision it. Okay. Quelquefois, la set list est le livre des mensonges. C'est bon. Donc ben, ça va être ce soir, ils vont décider, ils savent pas eux-mêmes, c'est assez improvisé comme choix. Donc ce soir il va écrire sa setlist, puis ben, faudra être là pour savoir si c'était la même chose qu'hier. Merci beaucoup à tous les deux, Jeremy et Julian. On va écouter le dernier extrait, Sweeter, maintenant à CKRL 89.1. Merci beaucoup. Julian Taylor Band. Merci. Journey. Excursión cultural. Gita culturale. À découvrir ce sur la fabrique culturelle. Dans ma vie personnelle, je suis très, très do it myself. J'aime beaucoup fabriquer ce dont j'ai besoin, ce dont ma famille a besoin. Émilie Garand, artiste en art visuel inspirée par la nature. Je m'inspire de la nature, les choses que je vois dans mon environnement, mais aussi des dessins d'images scientifiques, par exemple des fractales. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Du 26 au 29 juillet, venez vivre la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. De la performance à des œuvres in situ, de la sculpture religieuse à l'installation, vous serez charmé par la poésie des propositions artistiques. Cette année, la Biennale propose une expérience métissée à travers 7 duos de co-création formés d'artistes du Québec et du village allemand Oberammergau. Plusieurs activités pour les enfants et des spectacles dont Tire le Coyote et le poète slameur David Goudreau. L'école, c'était long pour un manuel comme moi. Je levais le nez sur les manuels et je parlais parfois. La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, un rendez-vous créatif, participatif et festif au bord du fleuve. Programmation détaillée, biennaledesculture.com. Horizon et Arcam sur Loire présentent Les explorateurs comme des estuaires Nantes-Québec. Semaforenco, spécialiste en archéologie sonore, s'installe à la Marina Saint-Roch du 11 au 14 juillet. Venez y découvrir les secrets d'Alcide Lachance et Charlotte Semaphore, explorateurs du 19e siècle. Chantier de fouilles exceptionnellement ouvert au public. Suivez l'aventure sur les-explorateurs.net. Moi, quand je vais au quartier de Lune, c'est pour danser. Moi, quand je vais au quartier de Lune, c'est pour rocker. Le quartier de Lune, une seule place. Deux ambiances. Piste de danse, spectacle week-end, karaoké, billard gratuit, 5 à 7, les plaisirs doublés dès 20h tous les soirs. Le quartier de Lune, 3e avenue, Limoilou. Réserve pour tes parties, 88-523-4011. Devenez notre ami sur Facebook. Tous les vendredis, après la semaine du travail, écoutez CKRL pour une soirée toute musicale. Découvrez et redécouvrez des musiques de styles variés. Jazz, funk, blues et metal. Les vendredis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. De retour au Sacrilège, Jessica Leb avec vous et avec les artistes de la programmation du Festival d'été de Québec. On les reçoit quelques heures avant de monter sur scène. Vous les avez peut-être déjà vus hier lors d'un pop-up fec qui avait lieu au garage du Shell Cartier à 12h30. Galaxy, en tout cas deux membres du groupe sont avec nous, Olivier et François. Bonjour à tous les deux. Allô, ça va bien? Allô. Ça va bien et vous? Oh, ça va très bien. Journée de rêve. Journée de rêve. Ah oui, il fait soleil, on boit des drinks, on fait des entrevues, c'est complètement... On va à la piscine, on boit des drinks, on va à la piscine, on retourne à la piscine, on prend des drinks. C'est les vacances. C'est dur la vie d'artiste. Ah, oh, c'est vraiment tough pour vrai. Dur métier. Mais il paraît que le Sacrilège vous rappelle beaucoup de souvenirs. Là-bas, je ne sais pas si j'appellerais ça des souvenirs, mais... Des non-souvenirs. Juste là, là-bas, là. Là-bas, là. Ouais, c'est plein de non-souvenirs ici, dans le fond. Ouais. Mais François me disait avant le show, pendant le show, après le show, Sacrilège. Même quand on était pas long, on était là, pareil. Tu sais. Vous hantez les lieux. Parlez-moi un peu de ce pop-up fec hier. C'est quand même un lieu très atypique. On le sait, c'est le principe de ces spectacles surprises. Mais un garage, vous y attendez, vous y attendiez, à jouer là? Non, on l'a su. Pour vrai, on l'a su la journée d'avant. Fait que on s'attendait pas, mais c'était super le fun. Pour vrai, c'était un petit peu trop chaud au soleil. Par contre, là, les machines, c'est mal aux machines. Ouais, toutes des tunais puis tout. Ouais. On était un petit peu étourdis après le show, mais sinon, c'était super le fun. Le monde était heureux, de bonne humeur. Le monde était en pause de dîner, dans le fond. T'as jamais vu autant de monde à une station de service. Ouais. Mais j'imagine qu'on vous sollicite assez régulièrement avec tous les festivals que vous faites pour faire ce genre de spectacle surprise qui est vraiment de plus en plus en vogue. Moi, c'est la première fois que je faisais un... Ah non, c'est pas vrai. Je n'avais fait un, d'ailleurs, au festival d'été avec Fred l'année dernière. Il y avait eu une tempête pendant qu'on jouait. On a joué une tonne et demie. On avait fini, on avait fait une dernière chanson au-dessus d'un parasol avec le monde collé sur nous autres. Fait que Fred non, Fortin. C'est seulement la deuxième fois. On a fait ça avec Fred Fortin au FME aussi. Dans une station-service. C'est vrai, c'est mon troisième. Dans le fond, tu veux sûrement sortir un autre. Ah, il y en a sûrement un autre à quelque part. Non? Dans une friperie à quelque part. Le lieu le plus atypique où vous ayez joué, est-ce que c'était hier? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y en a sûrement une couple de places un peu j'ai weird. J'ai déjà joué à Hearst, puis c'était pas mal atypique. À Desjely Cabaneau, hein, c'était aussi cet aspect. Il y en a des anecdotes de tournée avec Galaxy. Mais je le disais, des festivals, vous en faites vraiment beaucoup cet été. C'est aussi grâce à l'album Superlinks Deluxe, parce qu'on le sait, quand un groupe sort ou un artiste sort un album, souvent l'été qui suit, ça peut être l'été des festivals. Galaxy en festival, c'est quoi l'ambiance dans le groupe? Est-ce que c'est un peu vacances-travail, justement? Ça fait tellement longtemps qu'on se promène ensemble, c'est un peu vacances-travail, en fait. On aime la route, on aime ça partir, se promener. Oui, puis c'est la même formation que sur l'album précédent, fait que c'est ça, c'est cool aussi, parce que c'est, on se retrouve comme en famille, c'est la même gang, puis je pense que ça change pas, que ça soit dans un festival ou quand on rôde les spectacles souvent dans des bars avant, puis vraiment, vraiment super grande idée, fait que on prend cette énergie-là qu'on a dans les bars, puis on arrive dans les festivals. C'est ça l'important, en fait. C'est ça l'important, ouais. Vous jouez tôt aujourd'hui, comparé à d'autres festivals. 21h20. Ah, c'est correct. 21h20. Je trouve que c'est une belle heure. C'est l'heure parfaite. Ouais, c'est parfait. Ouais. Parce que moi, je vous ai déjà vu vers 23h minuit, je pense que c'était au festif de Baie-Saint-Paul. Oui. Même voir plus tard, peut-être même minuit, une heure. Ça va être ça cette année aussi, ouais, je pense, okay, encore ouais. Au festif, justement, le 19 qu'on est là. Ouais. Ça, c'est à minuit, le spectacle. C'est le fun aussi. Tu dors ou en dedans? Je pense dans un chapiteau. Ah, cool. Cette fois dans un chapiteau. Moi, je me souviens vous avoir vu dans le sous-sol d'une église. Oui, où, c'était assez collant. Ouais, collant. Oui, ouais, quand même. Mais les gens étaient en forme, même à ces heures tardives-là. Hein, on sent qu'ils... Beaucoup trop, oui. Oui, c'est ça. Mais vous, comment vous faites pour garder cette énergie jusqu'à tard le soir? On vient dans le bar avant. C'est notre métier. On vient au sacrilège avant. Puis... Même quand c'est à Baie-Saint-Paul. Ouais. C'est le moins dormir possible, en fait. Toujours moins dormir. Moins dormir. Regarde ouais. En forme. Ouais. Ouais. Donc là, ça vous avez paraît pas... pas, mais c'est vrai. Ouais, vous n'avez pas beaucoup dormi aujourd'hui, alors, si je comprends bien. Non, jamais dormir, jamais, jamais. C'est une perte de temps à dormir. Superlinks Deluxe, donc c'est l'album qu'on va le plus entendre ce soir. C'est vraiment les chansons du nouvel album où vous allez quand même piger dans les anciens. Ben, on fait des chansons de pratiquement des 5 disques, mais c'est beaucoup là, le dernier ton. On tourne quand même cet album-là, fait qu'on fait quasiment tout le disque, puis on va piger un petit peu dans tous les albums précédents, là. On réarrange les chansons aussi des autres albums, puis on essaie de les ramener dans le nouvel univers qu'on a avec l'album que là, fait que c'est le fun au bout. T'sais. C'est vraiment pour moi personnellement, c'est un des shows pas que c'était plate avant, au contraire, mais bon, c'est vraiment un des shows que j'aime le plus jouer à date. On dit ça à chaque spectacle, mais pour de vrai, ce spectacle-là, j'ai du fun au max. Là, on a du beau plaisir. Ouais. C'est que ça évolue bien, au moins. Oui, carrément. Carrément. C'est ça qu'il faut, en fait. En fait, faut que ça continue d'évoluer, sinon on va arrêter. On va arrêter pour revenir au bar. Sinon on va venir au sacrilège. Ça revient tout au bar à chaque fois. Vous parliez de votre public, c'est vrai qu'il est aussi fou que vous, voire plus. Il se passe quand même des choses incroyables, des fois, dans votre public. Est-ce que c'est ça, quand vous jouez, vous avez l'attention sur mille et une choses, mais... L'attention sur le public quand il se passe des trucs un peu improbables. Je me sens forme aujourd'hui. Je sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est ça, tu sais. Mais là, Serge est là à soir, fait que ça se peut qu'il se passe. Il a dit d'ailleurs que vous étiez sa première partie. Bon, non, mais il dit tout le temps des affaires. Ouais, Serge, il dit beaucoup de choses. Non, c'est ça. En plus, d'être avec les hôtesses, à soir, ça va encore plus créer de monstres puis de mondes bizarres, je pense, dans la soirée. C'est ça. Ouais. C'est une belle gang aussi. On les aime tellement. Fait que d'être ensemble à soir, ça va être fantastique. On l'a fait à Montréal il y a un mois, puis c'était débile raide. Fait que, on se prend pas au sérieux, en fait. On est juste comme super Cochon festif. Ça va être un nouveau festival bientôt. Cochon festif. Serge a aussi annoncé en entrevue tantôt qu'il allait enfermer le parc de la francophonie pour pas que les gens quittent, parce que c'est ce qu'ils auraient fait si c'est ça, les la monde vient beaucoup voir les hôtesses, en fait. Fait que c'est cool qu'ils nous laissent jouer après quand même. Mais c'est toute une faveur. Il faut vraiment enfermer le monde pour qu'ils restent nous voir. Check-les, ils sont cool aussi quand même. Mais c'est clair que les hôtesses, c'est la soirée des hôtesses. C'est comme le ils ont amené les hôtesses, puis c'est tout le prétexte. C'est Cyndi Lauper, Lorde, tout ça. Tout tourne autour des hôtesses, en fait. Le monde profite de leur public. En fait, jusqu'aux plaines. Au show de Lorde, c'est le monde qui ne peuvent pas voir les hôtesses. Oui, certainement. Fait qu'ils les envoient à Lorde. Je comprends, effectivement. Heureusement que les plaines sont là pour pouvoir accueillir tout ce monde. Ils ont un méga bus. Là, c'est comme une espèce de tourbus, ce genre de feu. Là, fait que c'est méga sûr dose. Que, méga dose. Micro dose, micro bus, méga bus. C'est méga dose. Est-ce que vous vous invitez mutuellement dans les spectacles des uns et des autres, parfois? Serge, on ne l'invite pas, mais il vient tout le temps. C'est ça le problème, c'est parce qu'on a arrêté tout ça. Hein? Donc, quoi qu'il en soit, il va être là. Il va être là, ça, c'est sûr. Soir. C'est l'émission Serge Brideau sur les ondes de CKRL 89 fois. J'ai plus grand-chose à dire. C'est comme Dieu, Serge, il est partout, en fait. Oui, mais oui, on a accroché sa photo aussi au sacrilège. Mais j'ai envie qu'on écoute un extrait quand même, parce que bon, c'est votre album qui est à l'honneur ce soir. Un extrait des hôtesses? Non, un extrait cette fois, parce qu'on les a écoutés toute l'émission, en fait. On va écouter Magie, Magie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette chanson? De la magie. Magie. Magie. Magie. Se complète bien les deux. C'est Serge qui a écrit le texte. Ouais, puis la musique, c'est beaucoup lui, en fait, qui m'a dit tu devrais faire un genre de riff comme ça, tout ça. Mais j'ai écrit que c'était nous autres qui l'avaient fait, mais dans le fond, c'est toutes des idées de Serge. Alors, on l'a copié. Très bien. Ben, merci beaucoup, merci Olivier, François, pour cette entrevue sur Galaxy. Je le rappelle quand même. Ils seront en spectacle ce soir, 21h20, au Parc de la Francophonie. Voici un extrait de Super Lynx Deluxe et Magie, Magie. Galaxy avec Magie Magie à CKRL 89.1. C'est extrait de leur album Super Lynx Deluxe. Et je vous rappelle que si vous voulez les voir, ça sera ce soir au Parc de la Francophonie à 21h20. Bah, ça y est, moi je suis curieuse à savoir si Serge Brideau va vraiment monter sur scène ou non avec eux, ou l'inverse d'ailleurs. On se projette demain, cette fois, un groupe de Québec qui jouera ce samedi 14 juillet à 17h à l'Antibar et Spectacle. Maestronaute qui va nous proposer un programme rap et hip-hop. Pour vous en parler, deux des membres du groupe sont avec nous, Billy Wald et Lewis Dice. Bonjour à tous les deux. Bonjour, ça va bien. Ça va et vous? Ça va bien, merci. Premier festival d'été de Québec pour Maestronaute. Oui, pour Maestronaute, oui, en effet. L'année passée, Lewis, et, je pense, avait fait un DJ set pour le FEC, mais pour Maestronaute, c'est tout nouveau cette année. Là. Mais l'Anti, c'est une salle que vous connaissez parce que vous y avez déjà joué. Non? Absolument. Il a joué déjà à deux, trois reprises, justement dans le cadre de notre lancement de Mode Avion, justement du dernier EP, et aussi en première partie de L'Ordre du Commun, groupe belge d'ailleurs, qui était passé le 11 juin dernier. Et oui, parlons-en de ce EP Mode Avion. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre le rap et le monde de l'aéronautique en ce moment, que ce soit les vidéoclips, on voit des avions. Alors, on ne parle pas des gros avions, genre Boeing, Airbus, là, on parle vraiment des petits avions. Loud a fait un clip avec des avions, mais j'ai vu beaucoup de visuels autour de ça. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, autour de l'avion? Ben, je te dirais, en fait, que c'est le ciel et toute sa grandeur, en fait, qui vient à inspirer les artistes du hip-hop moderne. En fait, je dirais que c'est vraiment cet aspect-là de grandeur puis de technologie aussi qui vient se mêler à tous les concepts que les rappeurs utilisent présentement. Je pense que c'est très d'actualité aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rappelle en fait à la grandeur puis justement aussi au mood un peu planant justement du hip-hop au Québec présentement. Et les cinq chansons sur votre EP tournent vraiment autour de ça. Le EP s'appelle Mode Avion, il y a une chanson du même nom. Ensuite, on a Vol Intercontinental, Bam, Bel Air, Space Lullaby également. Ouais, exact. C'était vraiment tout un concept autour de ce EP là. Ouais, bien effectivement. Puis en fait, c'est ça, le concept s'est fait plutôt autour de la production d'abord. Moi, j'ai fait les beats, le processus du groupe, c'est vraiment ça. Moi, j'envoie les beats, les gars par la suite créent un vibe autour de ça. Puis au final, ils développent autour, puis on en crée un refrain, puis au final, la chanson se crée comme ça. Mais tu posais tantôt la question, comme l'aéronautique, c'est vraiment présent, mais c'est vraiment plus au niveau de l'aspect futuristique un peu, au niveau des sons, puis tout ça. Donc c'est sûr, ça se rejoint aussi avec les thèmes que les gars racontent, puis écrivent au final. Mm-hmm. Comment vous avez trouvé votre plume en rap? Parce que oui, on voit qu'il y a une grosse vague là qui surgit et qui commence à s'assumer au Québec pour rapper en français. Alors vous, c'est passé par quoi? En fait, moi, j'écrivais déjà avant de connaître le hip-hop en tant que tel, justement. J'écrivais déjà des poèmes sur les coins de bureau à l'école, justement, choses comme ça. Puis à un moment donné, en écoutant de plus en plus d'hip-hop, j'ai vraiment adapté tous mes textes au hip-hop, en fait, au rap. Puis j'ai vraiment adoré le fait, en fait, le pont qu'il y avait entre les deux, justement, entre la rythmique, justement, la rythmique, le fait aussi qu'on pouvait dénoncer les choses, puis, et le fait d'être aussi autant poétique. Donc j'ai trouvé un milieu parfait dans les hip-hop, en fait. Et commencer par un EP, c'est un bon premier pas, 5 chansons, mais votre EP est déjà disponible sur Bandcamp en version gratuite, en version proposée à un prix, en fait. Donc si les gens veulent mettre 10, 15, 200 dollars, zéro, ils peuvent. Absolument. Pourquoi avoir choisi de diffuser ça gratuitement? Je pense que c'est vraiment le modèle d'affaires qui convient le mieux pour les artistes émergents puis pour les artistes indépendants, surtout qui n'ont pas nécessairement les plateformes ou les soutiens financiers qui permettent de mettre leurs produits de l'avant. Fait que de mettre ça gratuitement, ça permet d'abord, les gens n'ont pas de raison. Il y a un intéressant article là-dessus de Ogden, du groupe À la Claire Ensemble, un TED Talk qui parle de ça. Le fait de le rendre gratuit, ça fait que les gens, s'ils ne t'encouragent pas, tu sais, ton cercle d'amis n'a comme pas d'excuse pour ne pas se le procurer. Puis le fait d'être gratuit, ben tu le partages, t'en parles, tout ça. Puis au final, on croit vraiment à ce modèle-là. Puis avec les spectacles, il y a beaucoup, je pense, l'argent est plus à faire là, au final, pour des artistes émergents. Exactement. Mm-hmm. Je pense que c'est le fait de le rendre disponible, en fait, et en un clic aussi. Exactement, de l'imager, de le donner aux gens, parce que je pense que c'est à eux que ça revient, en fait. On crée ça pour que ça soit partagé. Donc, quand on met des contraintes un peu à ce partage-là, je pense que l'idéal, c'est de ne pas s'en mettre, en fait, puis de donner la musique directement. Est-ce que vous êtes satisfait de ce modèle? Le EP a été posté en mars 2018. Est-ce que les téléchargements vont bien? Ouais, ça va bien, oui. On espère tout le temps comme plus. Surtout quand on a été longtemps dans la création, tout ça, donc les attentes deviennent un peu plus élevées à un certain moment. Parce que tu te mets à être excité à l'idée de le sortir, tout ça. Puis avec les vidéoclips, tout ça, là, on avait vraiment comme des attentes élevées. Mais le projet, c'est une réussite. Au final, nous, on est vraiment satisfaits. Puis on n'est pas stressé qu'éventuellement, plus qu'on va sortir des chansons tout seul, le monde va revenir à mode avion éventuellement. Puis ça risque de faire parler quand même un bon temps, là, je pense. On était aussi heureusement surpris, en fait, par le nombre d'auditeurs qu'il y avait à Montréal. Ouais. En fait, ça, dans les statistiques, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal 50% des gens, des auditeurs qui nous écoutent, qui proviennent de la grande région de Montréal. Donc, c'était très bien pour nous parce qu'on pensait vraiment plus se baser vers Québec. Justement, Lévis, finalement, ça le expand justement comme on désirait, en fait. En dehors de votre région, à vous. Ouais. Exactement. Mais là, maintenant, le but, c'est plus loin. On va aller un peu encore plus. Encore. On va aller en Europe et tout. Ah oui, il y a de grands projets pour Maestronautes. Bien sûr. Racontez-moi, demain à l'Anti, 17h, vous allez jouer au-delà de ces 5 chansons puisque, vous jouez 45 minutes, une heure? Une heure, ouais. Alors, c'est quoi? C'est des nouvelles chansons que vous avez sous le bras mais qui ne sont pas encore enregistrées? Absolument. En fait, il va y avoir des exclusivités qui vont faire partie de mon album solo, justement, que je vais sortir dans les mois qui suivent. Il va aussi avoir des primeurs de Dumpy, en fait. Lui aussi, qui a quelques chansons à son actif. Et il y a aussi des nouveautés, bien sûr, des nouveautés Maestro, justement, qu'on avait annoncées la dernière fois au spectacle, dont Space Alibi Part 2 et beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Qu'on garde pour le spectacle. Alors, si vous voulez découvrir ce trio de rap hip-hop francophone, c'est demain soir à l'Anti à 17h. On va écouter un extrait du EP Mode Avion. Maintenant, voici Vol Intercontinental. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Journey. Excursión cultural. Gita culturale. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Puis je vous dis que c'est aussi à ce moment précis qu'on comprend pourquoi on appelle ça des gourmandises artisanales. Plus de 40 variétés de pain, sandwich, pizza au four à bois et pâtisserie. Boulangerie La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou. Le quartier de Lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse, spectacle week-end. 13 juillet, Undertech, soirée DJ électro. 14 juillet, hommage à Easy Ace. Doublez votre plaisir de 20h à 22h. Le quartier de Lune, 3e avenue, Limoilou. Réserve pour tes parties, 418-523-4011. Devenez notre ami sur Facebook. En juillet, voyez au cinéma Le Clap, Hôtel Transylvanie 3, Les Vacances d'été et Raph ma girafe dès le 13 juillet. Le Justicier 2 et Salute 7 dès le 20 juillet et 1991 ainsi que Mission Impossible Répercussion dès le 27 juillet. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Ce vendredi au Lotomax, 60 millions plus 22 max millions. Donc... Tout le monde doit rester, il faut qu'on finisse le rapport. Pourrait devenir... Tout le monde doit pacter, il faut qu'on file à l'aéroport. Jouer en groupe. Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, t'offre l'opportunité d'écrire enfin à tes enfants, de lire enfin les informations sur ton lieu de travail, de pouvoir enfin remplir un formulaire sur place et d'accepter enfin un nouveau poste ou une promotion, confiant de pouvoir lire, écrire et manipuler un ordinateur. Ouvert toute l'année, c'est gratuit et c'est pour toi. Le Cœur à lire, 418-841-1042. C'est le moment de prendre ta vie en main. Le Cœur à lire, en collaboration avec la Table des chefs et Ricardo Media, invite tous les adultes accompagnés de leurs enfants de 6 à 12 ans à Cuisimo. Cuisimo, c'est 3 rendez-vous cuistots de 2 heures, 6 recettes, un chef de la région et c'est gratuit. Faites vite, les places sont limitées. Inscription 418-841-1042. 418-841-1042. Le Cœur à lire et Cuisimo, c'est pour toi. Qualité supérieure des matériaux, unique à Matelas Confort. Venez constater par vous-même. Nous fabriquons les meilleurs matelas de l'industrie depuis 45 ans. La qualité du fabricant, c'est Matelas Confort. Garantie. 1605 Henri Bourassa, 529-3585. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturale. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Et on entame la dernière demi-heure de cette émission Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec dans notre jour 9. Oui, ça y est, dernière fin de semaine et encore beaucoup d'artistes à recevoir. On a parlé d'artistes assez jeunes dans cette émission, mais là, je pense que c'est la plus jeune de tous qu'on reçoit. Naomi Turcotte chantera demain, 13h30, à la place de la famille Dulay. C'est au parc de l'Esplanade, vous savez, pour tous ces spectacles sous chapiteau, une scène plus familiale. Et pour cause, on a pu voir Naomi Turcotte notamment dans La Voix Junior en 2017 et elle est là pour nous présenter son spectacle et son album Chez Moi. Bonjour Naomi. Bonjour. Ravie de te connaître, j'ai beaucoup entendu parler de toi à date. J'ai hâte de savoir un petit peu comment ça s'est passé la Voix Junior pour toi. Évidemment, c'est une vitrine immense, des millions de téléspectateurs à un si jeune âge. Toi, comment tu l'as vécu? Ah ben, je l'ai super bien vécu, pour vrai, c'était une des plus belles expériences de ma vie. On vit vraiment des super beaux moments, puis effectivement, c'est une très belle visibilité pour aider à se faire connaître et tout ça. Même si tu chantais pas tes propres chansons? Oui, ben si, c'est effectivement, c'est des chansons, des covers qu'on dit qu'on faisait là-bas, fait que dans le fond, c'était quand même le fun, parce que ça monte notre voix de toute façon, fait que même si c'était pas mes chansons, j'ai apprécié... Mais depuis cette expérience, tu as eu envie d'enregistrer tes chansons aussi parce que, comme je le disais, il y a un album qui est paru, qui s'appelle Chez Moi, piano-voix essentiellement. Des chansons très mélancoliques, j'étais surprise, c'est pas l'image qu'on a d'une jeune fille de 15 ans. J'ai trouvé ça même triste des fois pour la mélancolie qui ressort des chansons. Est-ce que c'est vraiment le style que tu as trouvé pour t'exprimer? Oui, ben en fait, depuis que je suis toute petite, c'est les chanteurs et chanteuses qui m'inspirent, c'est beaucoup Linda Lemay, Barbara, des chansons à texte. Puis, je comprends pas trop, effectivement, c'est vrai que les jeunes de mon âge, habituellement, sont intéressés par des styles de musique qui bougent plus, du rap, comme on a parlé tout à l'heure avec les autres invités et tout ça. Mais moi, en fait, c'est vraiment ce style-là qui m'intéresse et je suis bien dans des chansons à texte. Est-ce que ça a été toujours facile pour toi de t'affirmer dans ce style-là? Non, effectivement, il y a des moments où c'était plus difficile. Je vais en parler à l'école, entre autres. Les gens me demandent, ah, t'es sûre, t'aimes ça? Oui, oui, j'aime vraiment ça. C'est ce que j'aime. C'est mon style à moi. Est-ce que toi-même, tu joues du piano ou t'es vraiment interprète? Non, je suis vraiment interprète. Je joue un peu de piano, mais vraiment la base. Là. Tu te concentres sur l'interprétation? Ouais. Et pour cause, t'as quand même une très belle voix. C'est pas pour rien que t'as participé à cette émission. comment ça se passe, l'écriture des chansons? T'écris dans ton coin? Non, en fait, c'est des auteurs qui écrivent pour moi. C'est des auteurs et compositeurs qui écrivent pour moi des chansons que c'est moi, en fait, qui leur propose des thèmes à ces chansons-là. Puis eux, ils écrivent à propos de ça. Ils te font parler de ton quotidien? Oui, ben c'est ça. La plupart du temps, c'est même des chansons qu'on n'a pas demandé. Je parle avec eux et tout ça. Puis, ah ben, une chanson apparaît comme ça. Il fait, ah ben, ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé de telle chose et tout ça. C'est vraiment le fun. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis une chanson plus qu'une autre? T'en as peut-être refusé aussi parmi celles qu'on t'a proposées? Oui, ça arrive parfois, mais c'est vraiment, ça me prend une chanson qui me touche, une chanson qui me dit quelque chose. La chanson, ben, c'est une chanson que je fais, ben, elle est belle, c'est super beau, mais ça me ressemble pas. C'est certain que quelqu'un d'autre va mieux la livrer que moi, je pourrais le faire. Donc, on voit déjà que t'as pas peur de refuser des chansons, parce que j'imagine la première fois qu'on se fait écrire une chanson, on est tellement touché. Oui, c'est vrai. Bon. Est-ce que j'ai vraiment le droit de la refuser, celle-ci? Non, mais en même temps, la première chanson que j'ai reçue, elle est superbe. Alors, pour ça, ben, je pourrais pas autant parler là-dessus, parce que la chanson que j'ai reçue est vraiment extraordinaire. Mais parle-nous-en, c'était laquelle? Ça s'appelle « Encore et toujours ». C'est une chanson qui parle de l'amour que j'ai pour mes parents, de en fait, qu'on les remercie pas assez souvent, nos parents, mais, et qu'on devrait le faire plus souvent. Puis dans ta si jeune carrière, j'imagine que ça doit être régulier. Ben, c'est ça, tu dois être avec tes parents tout le temps. Ils agissent aussi en tant que gérant de ta carrière musicale? Oui, effectivement. Là, ma mère, c'est ma gérante un petit peu, je dirais. Mais pas un petit peu, c'est ma gérante. C'est elle qui gère tous les contrats, tout ça. Elle filtre pas mal tout ce qui passe, puis elle m'aide beaucoup, là, je la remercie. Et comment tu trouves le juste milieu pour qu'elle te consulte? Parce qu'évidemment, t'es mineure, donc elle doit prendre des décisions pour toi aussi, mais il doit y avoir un travail de dialogue aussi. Oui, bien, c'est certain, ma mère, tous les contrats qui passent, si elle trouve que ça a du bon sens, bien, elle va m'en parler, puis elle va dire « ça t'intéresse-tu? » Puis bien, la plupart du temps, oui, ça m'intéresse. Là, elle a un bon œil pour voir les bons contrats. Et tu parlais de Linda Lemay comme référence. Tu as eu l'occasion déjà de chanter avec elle? Oui, à quelques reprises. Là, on s'est rencontrés, ça fait peut-être 3 ans là, à peu près. Depuis ce temps-là, ben, c'est vraiment comme rendu un mentor pour moi. Là, j'ai une question, ben, je sais que je pourrais me tourner vers elle puis qu'elle me répondrait avec tout son cœur. C'est important pour toi d'avoir un mentor dans ce milieu? Oui, ben, d'avoir, en fait, quand j'ai des questions, à mon jeune âge, tu sais, je suis bien entourée, ça, je l'avoue, mais d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, c'est vraiment, c'est important pour moi, pour prendre les bons choix, les bonnes décisions, pour pas faire de faux pas et tout ça. Mais à toi-même, on doit te demander des conseils des jeunes de ton âge qui aimeraient participer à la voix junior. Est-ce que c'est arrivé qu'on te dise, oui, est-ce que je devrais y aller ou pas? Oui, mais c'est arrivé à quelques reprises. Ça me surprend à chaque fois, des gens qui m'écrivent « Bonjour Naomi, je chante un petit peu. Si je t'envoie une vidéo, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer? » Et ça me touche vraiment de recevoir ça. Là. À chaque c'est fois, des gens comme, plus jeunes? Wow. Oui, un petit peu, mm-hmm. Des fois plus jeunes, des fois de mon âge. Ça me surprend, mais c'est le fun de recevoir ça. Je fais comme « wow », c'est le fun de voir que des jeunes de mon âge m'admirent comme ça. Je trouve ça le fun. Et t'as l'occasion de prendre le temps pour leur conseiller? Oui, c'est pas trop difficile? Ben non, en fait, c'est faut avoir l'esprit critique quand même. Oui, ben oui, mais en même temps, je veux dire, la plupart du temps, ils ont vraiment des belles voix. Fait que je fais comme « oh, wow, c'est donc mais le fun ». Tu sais, je leur réponds, puis tu sais, je fais « Ah, ben, tu sais, est-ce que tu pourrais faire telle chose? Est-ce que tu t'échauffes avant de chanter? » Tu sais, je leur donne des petits trucs comme ça pour débuter. Puis après ça, ben, je leur dis « Tu pourrais prendre des cours de chant et tout ça pour savoir plus de techniques et tout ça. » Toi, t'en as pris beaucoup, des cours de chant? Oui, ben, je fais pas mal de cours de chant. Là, il y a un temps, j'en prenais 3 par semaine. Là, je suis rendue à 1 par semaine parce que j'ai beaucoup de contrats et tout ça que je fais à travers ça. Mais je trouve ça important de continuer les cours de chant pour garder la technique et tout ça. Et la voix qui change aussi. Oui, effectivement. Dans la dernière année, ma voix, elle a changé beaucoup plus que ce que je pensais. Mais elle a vraiment changé. J'écoute des vidéos d'avant, je fais « c'est moi ça! » Je suis comme « ilala! » Et de s'adapter avec ça, parce qu'on chante pas du tout de la même façon quand on a encore sa voix de petite fille versus la voix d'une jeune femme là, qui commence à naître. Ouais, ben c'est ça, la voix change complètement, puis les tonalités changent. Mon pianiste, il se mord les doigts, il fait hey, 3 tons de moins, oh mon Dieu! Oui, ouais. Ça va dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Mais oui. Naomi, quel genre de spectacle tu vas présenter demain donc à cette place de la famille? Oui, ben en fait, c'est le spectacle qui s'intitule « Chez moi » comme mon album. Alors, je vais chanter en fait les chansons qui se retrouvent sur mon album, qui sont en lien avec moi, des chansons qui me représentent entièrement. Et je vais chanter également des chansons d'artistes qui me touchent et que j'admire. Et il y aura Mia aussi qui a participé à La Voix Junior deuxième saison. Elle, elle a 10 ans et elle va faire deux chansons, c'est ça, oui. Sur ce spectacle? Oui, elle m'avait vraiment touchée. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle participe à ce spectacle. Et Naomi, si on veut se procurer ton album chez moi, là, des auditeurs qui écoutent, ils disent « Waouh, je veux encourager cette jeune artiste, comment on fait? » On peut se le procurer en passant par mon site internet naomiturcotte.com. Ça, ou sinon, entrer en contact avec moi par ma page Facebook Naomi Turcotte Artiste. Accessible, tu réponds au message. Ouais. On va écouter un extrait de cet album chez moi. Tu nous en as parlé justement, Naomi. Voici encore et toujours. Merci beaucoup de ton passage à CKRL. Ça fait plaisir. Je fous le tir à ma manière dans chaque geste quotidien. Lorsque c'est votre anniversaire, quand moi aussi j'en ai besoin. Dans tous ces gestes que je pose, même si pour vous tout est muet, à chaque fois c'est une rose que mon cœur ajoute au bouquet. Je vous le dis dans mes prières, celles que je dis en secret, à l'abri de toute lumière, lorsque le silence m'effraie. Quand je vous réveille la nuit, il n'y a plus de monstres sous mon lit. C'est sûr, si je n'ai plus 6 ans, mais mon cœur est encore un enfant. Je vous aime encore et toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Quand mes yeux regarderont ailleurs, vous serez là dans mon cœur. Je vous aime encore et à jamais, qu'importe le nombre de mes secrets. Même quand vos yeux mon cœur sera là, à la maison. Je vous le dis dans mon regard, quand je le cache derrière mes mains. Quand vous vous embrassez très fort, même si tout ça me fait du bien. Et je vous le montrerai souvent, que je sois contente ou fâchée. Tant que vous serez mon présent, jamais je ne m'arrêterai de vous aimer encore et toujours. Et c'est jusqu'à la fin de ma vie, mon premier, mon dernier amour, mon chemin vers le paradis. Et qu'importe tous les détours, les nuages et les vents contraires, un phare illuminant nuit et jour, mon chemin pour ma vie entière. Alors si j'oublie, on vient d'entendre Naomi Turcotte qui sera à la place de la famille demain 13h30, donc l'extrait encore et toujours. On revient maintenant, alors avec beaucoup de monde autour de la table aujourd'hui, ça sent la fin du festival qui arrive en mode party. Alors Harry, Tania, oui, Lily, Philippe Papineau qui est resté avec nous du Devoir. On peut s'accrocher les pieds au bar. Ouais, on t'a retenu aussi. Puis Émilie Gagné de Radio Gaspésie qui est de passage avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour. Qui profite du festival en tant que festivalière cette fois. Oui, ben je viens de terminer le festival en chanson à Petite-Vallée. Je me suis dit que je prendrais mes vacances à Québec. J'avais pas vu assez de petits spectacles pendant, pendant que je travaillais. Pendant Petite-Vallée, effectivement, on reviendra là-dessus. Alors, on va commencer par la soirée sur les plaines, évidemment très attendue hier avec la venue de Beck, mais on vous avait dit les premières parties étaient aussi à suivre. Quelqu'un a vu Girls in Hawaii? Oui, bien en fait, c'était un début de soirée très belge pour moi. Girls in Hawaii, c'est une formation belge d'emblée, mais j'aime bien. C'est pas une formation qui a explosé comme on s'attendait. Ils ont eu un gros succès au niveau de leur patrie. Ils étaient comparés à Radiohead, tout ça, mais je trouve que les nouvelles chansons, ils se sont fait associer à un band rock. Ils sont tombés dans la... pas dans la monotonie, mais sont tombés dans le prévisible, je dirais. C'est super bien fait, c'est bien ficelé. La voix du chanteur, quand il échange les leads vocaux, ça marche, ça fonctionne super bien, mais c'est un peu ça. C'est pas d'explosion, c'est pas les hooks qui font que ça va être un succès international encore de nouveau. Je pense qu'ils sont assis dans leurs pantoufles. Si ça se dit. Ah oui. Ils sont confortables. Ouais, ils n'ont pas juste mis, ils sont assis dedans. Fait que c'est un peu ça. Mais somme toute, c'était quand même un bon spectacle. C'est une belle ouverture. Ça mettait dans l'ambiance un peu. C'est du indie pop, rock, un peu électro, mais pas trop non plus. C'est comme. Ils n'osent pas pousser les limites de tout bord, tout côté. Je pense qu'ils se complaisent dans ce qu'ils font, mais ils le font bien. C'était une belle ouverture là, pour le spectacle d'hier soir. Ensuite, Phoenix. Phoenix, j'ai de la misère à parler de ce spectacle-là. C'était vraiment une belle prestation d'un groupe électro-rock. Mais moi, c'était bon. Moi, j'aimais ça. J'ai dansé tout le long, puis c'est rare que je danse. Ils font bien ça. C'est de la pop électro hyper bien faite. Puis le chanteur, je trouve qu'il contrôle bien son stage. C'est vraiment une performance où il est à l'aise, il communique avec le public, il danse et moi... Personnellement, j'aurais mis un peu plus d'eux hier soir, parce qu'ils ont fait des hits et des hits et des hits. Ils jouent leurs chansons et j'aurais pris peut-être ça en headline encore plus longtemps. C'est un groupe d'envergure de tête d'affiche. Mais c'est normal qu'entre Beck et eux, le choix était facile à faire. C'est qui va être. J'aurais fallu les mettre ailleurs, mais qu'un parc de la francophonie serait trop petit. Non, je sais pas. Je pense que ça aurait bien scié le band. Ouais, ça aurait pu fonctionner. On a déjà vu des spectacles qui étaient plus gros que ça dans le parc de la francophonie, puis qui l'ont fait tout de même. Je pense que j'aurais pris plus d'eux. C'est à peu près le seul commentaire que j'ai, parce que j'ai trouvé ça excellent aussi. Il n'y avait malheureusement pas de visuel. Tout était placé en place. Tout est mis en place pour Beck. C'était bien, c'était correct. Il y avait quelques projections visuel. Quand même. Ouais, c'est ça, des couleurs, mais c'était rien d'extravagant. Écoute, il y en avait plus que Windows qui tourne. Non, il y en avait plus que pour Stone, hommage à Plamondon, je dois le relever. Donc plusieurs bandes full aussi, je pense que c'est un moment marquant du chanteur qui a voulu être proche des gens, je crois, là, qui a monté sur de différentes barrières, qui a fait du body surfing aussi, c'était pas évident, c'était pas une foule très serrée. Il avait un micro avec fil aussi. Ouais, ils ont traîner le micro pour finalement ne pas s'en servir jusqu'au bout. C'est un peu... Je comprenais pas pourquoi finalement il retire son micro puis il décide de pas s'en servir alors qu'il y avait à peu près 10 personnes qui ont travaillé si fort pour s'y rendre. Un 200 pieds de fil. Ouais. J'ai eu un peu peur, moi, au début, parce que la voix de Thomas Mars, donc le chanteur de Phoenix, c'est pas une grosse voix non plus. C'est une voix mélodieuse qui s'écoute très, très bien sur album, mais les mélodies sont tellement accrocheuses que ça fonctionne. Et des fois, je trouvais que la voix se faisait un peu bouffer par l'instrumental et l'énergie des musiciens qui est très, très forte, mais finalement, ça a fonctionné. Ça fonctionne. C'est un petit filet de voix, puis je pense que les personnes de la sonorisation sont au courant. Il y avait peut-être un petit manque, mais un petit manque de Charlotte Cardin et un petit manque du chanteur de Phoenix. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour eux de régler le problème s'il y en a un. Vu que c'est déjà un petit filet, moi, je trouve qu'ils ont bien géré. C'est vrai qu'ils n'étaient pas tout en voix, mais c'est pas un band où le chanteur est tout en voix non plus. On accueille maintenant Jean-Claude autour de la table pour parler de celui que tout le monde attendait hier soir aussi. C'était Beck. Yeah! Alors, Jean-Claude, qu'en as-tu pensé? Super performance. C'est sûr que C'est sûr qu'il y avait... je pense qu'on a parlé de son niveau de Phoenix et probablement de Girls in Hawaii, qui était quand même très, très fort comparé à la sonorisation qui a été donnée au début du spectacle de Beck. Mais on dirait que ça s'est replacé. C'est sûr que les hits qui nous a donné au début nous a donné une bonne volée pour bien danser et puis passer à côté du manque de son complet. Super performance, un beau track listing si on veut, que deux pièces du plus récent album, mais les pièces les plus dansantes, avec un moment où il a voulu venir chanter plus près de la foule, donc il s'est approché, il a demandé aux bandes de venir, il a fait une version acoustique de Cold Brains, si je ne me trompe pas, ou Lost Cause. C'est flou un peu pour moi hier soir. Mais à travers ça, il a fait une reprise de Raspberry Beret de Prince que les gens ont fortement... Les gens ont un peu chanté. Peut-être pas assez fort, mais en tout cas, dans mon coin, ça chantait. Dans mon coin, ça chantait, et puis c'était fort apprécié. On fait quand même plusieurs reprises aussi à la fin lorsqu'ils présentaient les musiciens pour venir clore le spectacle sur Where It's At, qui a été une très, très longue version. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié mon spectacle. Harry? Je suis pas resté jusqu'à la fin, mais je pense que c'est à cause des Breezers que Jean-Claude a de la misère à se rappeler si c'était une pièce ou l'autre pièce. Il appréciait beaucoup les petits Breezers de Bacardi, je pense, hier soir. Breezers. La boisson. Ah. Ces petits drinks en canette orange. Non, ça se faisait froid, il fallait se réchauffer. Ça fallait se réchauffer. Il y avait une petite brise, justement. Moi, j'ai adoré, mais le seul point négatif, c'est que si on était désaxé par rapport au stage, si on n'était pas en plein centre, on ratait beaucoup du visuel, qui était une grande partie de l'appréciation du spectacle. C'est que les animations étaient faites avec, dans le fond, les podiums du batteur et du claviériste, la manière que c'était placé. Les animations visuelles, il fonctionnait pas si on n'était pas directement dans le centre ou proche du centre. C'est qu'on perdait le sens de la perspective avec les images qui étaient créées. Ça, c'était une grosse partie du spectacle où ce que si j'avais été en plein centre, j'aurais peut-être beaucoup plus apprécié. Je serais peut-être resté jusqu'à la fin. Mais là, présentement, où ce que j'étais hier soir, ça fonctionnait pas. Le visuel ne fonctionnait pas pour voir qu'est-ce qu'on voit exactement, c'est quoi l'image qui est projetée. Je vois des cactus en arrière, mais je vois pas les déplacements qui se passent, je vois pas tout ce qui se passe. Donc, je pense que pour les arénas, dans le fond. Oui, je pense que, en fait, il aurait peut-être pu avoir une projection, une image qui aurait donné en permanence ou plus régulièrement le rendu de ce visuel-là. C'est la seule remarque que j'ai à faire. Moi, je suis pas le plus grand fan de Beck. C'était bien rendu. La voix était là. Les musiciens sont incroyables. Le batteur a été... Et en plus, il entertainait. Il dansait. Il dansait. Il a parlé quand même longuement à la foule, contrairement à bien des artistes internationaux qui, des fois, ne sentent pas un contact avec la foule. Il s'est pas gêné leur parler, poser des questions, puis vraiment interagir avec eux. Mais est-ce qu'on sait quel âge il a maintenant, Beck? 48 ans. 48 ans? Lundi. Lundi, il y a eu 48 ans. Lundi? Ouais, respect. En même temps, il y a 48 ans, il n'y a pas... c'est pas Mick Jagger. Là, ouais, ça va, mais quand même. J'espère qu'à 48 ans... Phil a 48 ans. Mais il a tellement l'air décontracté. J'ai l'air de 22. Mais décontracté, il n'y en avait pas de problème pour Beck. Pour vrai, là, sur scène, il y a une grande foule. Tu sais, il n'est pas... Mais je peux-tu vous poser une question? Moi, je le trouve toujours nonchalant. Oui, exactement. Il est très nonchalant. Dans sa présence globale dans la vie, là, oui, sur une photo, il a toujours l'air de s'en foutre. Est-ce que c'est le fun quand même à voir sur scène, cette attitude-là? Ben, il est quand même charmant. Okay. Ben, c'est ça, ça peut être charmant, mais ça peut être aussi ennuyant. Mais il n'en est pas exubérant. Puis c'est dans son aisance de décider de soudainement commencer à danser sur scène au lieu d'aller chercher sa guitare, enlever son linge, changer de veston. Etc. Je pense que c'est vraiment plus de la nonchalance que du désintérêt non plus. Il est pas dans le désintérêt. Quand ça paraît que c'est du désintérêt, tu te décroches tout de suite. C'est pas ce qui m'a fait décrocher hier, en fait. C'est pas pour ça que je suis parti. C'est simplement par fatigue générale de l'accumulation. Oui, mon Dieu que je suis vieux. Avec mes chaussures. Il restera encore des pop-up fakes en fin de semaine, dont un demain à Limoilou. Ça sera entre 13h et 17h, si je me trompe pas, au spot. Je vais attendre pendant 4h, oui. Justement, j'aimerais parler avec quelqu'un qui en a vu un pop-up fake version 2018 hier avec Galaxy. Oui. Emily, qu'en as-tu pensé? J'ai vraiment adoré ça. En fait, j'ai joué la touriste parce que il a fallu que je me fie aux réponses des gens sur la publication Facebook, ne connaissant pas Québec. Donc, j'ai suivi, j'ai trouvé la rue et honnêtement, je trouvais que ça s'agençait bien avec le groupe, aller dans un garage, le côté diesel, avec jouer sur les mots justement qui font partie du lexique de Galaxy aussi, qu'on les installe sous la porte où c'est inscrit silencieux en sachant que c'est vraiment pas le cas. Et on a fait les quatre ou cinq chansons et c'était les hits pour faire connaître Galaxy au public qui était un peu curieux et qui ne le connaissait pas, montrer qu'est-ce qu'on fait. Et en tant que fan, j'ai vraiment adoré ça. J'ai pogné un coup de soleil. C'était mon premier show de Galaxy en plein jour. Ça, de un, à la base, ça faisait bizarre un petit peu. Mais non, c'était vraiment... je trouve que c'est un bel événement et ça me poussait, en fait, à suivre plus la page pour essayer de voir, bon, ben aujourd'hui, je suis encore à Québec, ça va être quoi le pop-up? Est-ce que je vais réussir à le trouver, etc.? Donc, ça m'a créé un intérêt, en fait, pour ça. Il y en a un présentement. Il y en a un présentement. Sur Grande Allée, que Tania nous chuchote à l'oreille. Rappelez-nous l'artiste. Fouki. C'est Fouki. Fouki qui est sur 7e ciel, qui joue demain soir en ouverture de La Claire Ensemble à l'Impérial Belle. Exact, à 19h. Et Galaxy qui joue ce soir en tête d'affiche au Parc de la Francophonie. 21h20. C'est tellement cool des pop-up. Sincèrement, je trouve que dans tous les festivals maintenant, il y a un peu ça, là, des shows random un peu n'importe où. Puis en tout cas, pour l'artiste, là, je trouve que c'est vraiment un moment de proximité incroyable. Je ne sais pas comment le public vit ça, s'il est confortable ou inconfortable ou quoi que ce soit. Tu sais, ça dépend des lieux, bien sûr, là. Mais vraiment, là, c'est des beaux flashs. Ça. Je pense qu'il faut garder ça. Hein? On garde ça. Oui. On va surveiller, effectivement. Pour demain, après-midi, ce n'est pas encore annoncé. C'est l'artiste. Au spot à Limoilou. Oui. L'artiste, on ne sait pas encore. Surprise, ça s'appelle Surprise. Exact. Et donc, il faut suivre les indices sur les réseaux sociaux, notamment la page Instagram, Facebook aussi. On a le temps de dire ce qu'on va voir ce soir en un mot chacun. Jean-Claude. Un mot? je vais me promener beaucoup, mais je vais aller voir, entre autres, Barry, Paquin, Roberge. C'est mon premier choix ce soir. Carré Duville. Je vais aller voir Lord. Pour Tania, Harry. Je suis Jean-Claude. Après ça, les hôtesses d'Hilaire et Galaxy. Sûrement, et Femi Kuti aussi. Je vais essayer de... Je suis hashtag déchirant encore pour une fois ce soir. Lily, hashtag totalement déchirant. Là, il faut rajouter le mot totalement déchirant parce que là, il y a trop d'affaires. Femi Kuti, Cyndi Lauper quand même. Là. Je vais essayer d'attraper un bout, Lord, après Galaxy. Écoute, c'est tout en même temps. Émilie? Ça risque d'être les hôtesses et Galaxy. Si je me perds pas dans la ville. D'accord. Philippe? Moi, je vais être sur les plaines avec Lord Lauper et Milk and Bone aussi. Et je n'ai même pas pu vous parler de comment j'ai détesté London on the Track hier. Tu reviens demain, Philippe? Vous lisez l'article sur le site du Devoir. C'est bon. Yes, bravo, Tania. C'est ma meilleure. Merci à tous. Quant à moi, ça sera entre les plaines et le carré d'Youville aussi. Je vous dis à demain, 15h30, pour une nouvelle émission. On aura Busty and the Bass, Pierre-Hervé Goulet, Jason Bajada, Twice on Tuesday avec nous. Et je vous laisse dès maintenant avec Culture à tout prix sur les ondes de CKRL 89.1. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous a été présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Rendez-vous demain, même heure, même poste. Que le spectacle continue. Pour